soudain. C'est de la merde! Et voilà! Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé! Allez! Sortez de là, on en a rien à branler! Vive l'anarchie! Toutes les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville? Pour lui pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce lundi 5 juin 2023, bienvenue dans ce programme des mots des sens sensibles premiers de cette semaine qui vous propose un programme exceptionnel pour ce jour. En effet, retour sur un événement qui se déroulait fin de semaine dernière et sur lequel nous étions partenaires et présents. Il s'agit de l'événement Tresse Alors, une première édition co-organisé par un musée atelier, la Maison des Tresses et Lacets à la terrasse sur Dorlay, deux tiers-lieux, la Turbine Créative, nouveaux ateliers du Dorlay et la manufacture de tressage Made by Bobine, qui co-organisait donc cet événement autour de la tresse avec plusieurs temps forts. Une édition 2023 qui réunissait donc un musée atelier, deux tiers-lieux, un industriel, huit artistes, une exposition et deux journées de rencontres en échange, table ronde, visite et atelier. Une exposition visible depuis le 6 mai dernier et présente jusqu'au 1er octobre prochain. Environ 70 entreprises maîtrise ce métier des tresses et lacets en France. C'est beaucoup et pourtant peu se font en concurrence, chacune ayant ses propres marchés. Tresse Alors, cet événement de fin de semaine dernière dans la vallée du Dorlay, mettait ainsi à l'honneur la relation entre l'entreprise, la création textile et artistique, le musée et la préservation des savoir-faire. L'implication des deux tiers-lieux visait également à donner de la visibilité à de nouveaux modèles de développement économique, de partage, de connaissances et de gouvernance participative. L'événement, qui s'inscrivait dans une stratégie de conservation, de valorisation et de transmission d'une mémoire matérielle et immatérielle, témoigner de la vitalité du secteur du tressage et contribuer à affirmer l'excellence d'un savoir-faire qui a marqué l'identité de ce territoire du Dorlay, mais au-delà du territoire ligérien, mais dont les enjeux se situent aussi dans la conservation et transmission même de ces savoir-faire anciens, traditionnels, rares, méconnus et pourtant précieux pour la pérennité du secteur. Une table ronde intervenait vendredi après-midi lors d'une journée à l'attention principalement des professionnels, journée dédiée aux industriels du textile, TPE, PME du secteur, artisans, créateurs, designers, étudiants des écoles d'art, de design, d'art appliqué. Table ronde portant sur la conservation ou captation et transmission des savoir-faire. C'est ce que l'on vous propose de retrouver dans cette émission spéciale aujourd'hui, un peu plus d'une heure et demie donc d'échanges sur cette question. En vous souhaitant une très belle émission, bonne écoute. Au 4-3-2-1-0, c'est parti. Ou presque. Alors, juste en ouverture, on va laisser la parole à monsieur Charles Ziox, président du Parc naturel du Pila, pour nous dire un petit mot d'introduction. Je vous laisse le micro. Merci. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, monsieur le maire. Je souhaitais vraiment être à l'ouverture de cette table ronde aujourd'hui parce que je me souviendrai toujours, il y a une dizaine d'années maintenant, avec Didier et puis d'autres, on a travaillé longuement sur la création des ateliers du Dorlay, plus plein d'autres idées qui ont germé. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette salle pour parler de plein de choses intéressantes et qui ont évolué avec le temps. Et je suis très content, en tant que président du parc, d'être arrivé à cette situation d'aujourd'hui qui n'était pas gagnée au départ. Mais on a été persévérant, tout le monde a été persévérant. Je pense que tout le monde est content aujourd'hui de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je voudrais remercier d'abord l'ensemble des intervenants des associations diverses, la Turbine Créative, le tiers-lieu de l'association des nouveaux ateliers de Dorlay, la maison des tressés lacés, la manufacture de tressage, le tiers-lieu de Made by Bobine. Pourquoi on fait des choses américaines, je ne sais pas, mais bon, c'est moderne. Voilà, à l'origine de ces deux journées autour de la tresse et qui nous ont permis d'organiser cette table ronde. Après avoir énoncé l'ensemble de ces structures, je mesure le travail accompli par tous. Les communes, les partenaires concernés, SEM, le parc du Pilat et surtout les techniciens impliqués, et plus particulièrement Didier qui est ici présent, qui est vraiment la cheville ouvrière de tout ça pour nous. Il y a d'autres techniciens qui l'ont aidé, mais c'est lui qui est là depuis très longtemps. Donc je souhaite rappeler le chemin parcouru. Le Pilat marqué par une multitude de savoir-faire historiques, en particulier textiles, dont l'activité a malheureusement cessé sur un laps de temps relativement court. Le savoir-faire constitue un patrimoine au même titre que des bâtiments et des machines. Mais comment faire pour conserver et transmettre ces patrimoines vivants? L'humain disparaît et puis avec lui peuvent disparaître des choses. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir pris ça en main et d'avoir réfléchi et mis en place, essayer de créer cette structure de savoir-faire. Même si nous avons la chance que les entreprises fassent encore perdurer les métiers, il y a une perte de compétences, de potentielles ressources pour beaucoup d'activités. C'est pour cela que le parc du Pilat, avec l'aide de la DRAC et de l'Europe, apporte sa contribution à l'objectif de préservation en créant un conservatoire des savoir-faire rares sur la base d'un outil qui nous sera présenté lors de cette table ronde et les moments qui vont suivre. Ce qui est vrai pour un territoire l'est aussi à l'échelle d'une entreprise. Le départ d'un salarié, c'est une somme de connaissances qui s'en va. Ces connaissances, n'étant pas réductibles aux seules compétences techniques, c'est une part du patrimoine de l'entreprise qui disparaît. Je devrais vraiment inspirer là-dessus parce que c'est vraiment l'essentiel de notre affaire. Il faut conserver tout ce qui existe dans la tête des gens et ce n'est pas forcément que la technicité de l'entreprise qui est en jeu. C'est souvent les personnes qui arrivent à faire des choses. Ces savoirs qui peuvent être à l'origine de la création de nouvelles activités. C'est le sens de notre action de ne pas se limiter à une approche muséographique, mais bien se projeter dans l'avenir à partir de ce qu'on peut développer nos anciens. C'est pourquoi je serai très attentif au maintien et au développement du dialogue entre les entreprises et le territoire, car nous avons des intérêts communs. Je crois que les entreprises sans le territoire ne peuvent pas toujours exister. Ces deux journées sont une première étape. Et je vous remercie de les avoir organisés et vous souhaite vraiment du plaisir dans ce magnifique travail. Je crois que je sens le plaisir ici, donc c'est parfait. Merci à vous et puis je vais rester avec vous, bien sûr, pour écouter tout ce que vous allez dire. Merci. Merci. Alors, je vais juste repréciser aussi une ou deux choses. C'est que c'est une table ronde qui intervient dans le cadre de cet événement, Tresse à l'heure, mais c'est aussi une émission de radio, radio stéphanoise, radio associative à Saint-Étienne, qui est donc présente aujourd'hui et qui assure à la fois l'animation là et l'enregistrement de cette table ronde pour ensuite être diffusée. Donc je précise d'emblée que cette table ronde va faire l'objet d'une émission spéciale et d'un enregistrement qui sera diffusé lundi, ce lundi même là, donc en léger différé, sur 3 créneaux horaires de diffusion et rediffusion, lundi à midi, à 19h et mardi matin à 8h. Voilà, vous pouvez écouter via la fréquence FM, c'est 89.5, mais vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas de la région, écouter en stream, comme l'on dit, via notre site internet radioaudio.org. Alors, c'est une émission un peu spéciale, puisque pour nous, elle se déroule hors les murs, hors de nos studios. On est là à la Maison des Tresses et Lacets, que en partie nous découvrons tout de même. Donc c'est une réjouissance aussi que d'être accueilli ici et de réaliser cette table ronde et émission en ces murs. Alors la Maison des Tresses et Lacets, musée atelier, hein, installé au bord du Dorlet, cette belle vallée là, une ancienne usine textile qui date de 1833. J'ai vu que les premières activités portaient vraiment début 19e à partir de 1800. Et c'est une maison qui est ouverte au public depuis 1988, alors qui fait ou a fait la réputation mondiale de la région, on va dire de Saint-Chamond, mais bien au-delà de toute cette vallée. Et qui trouve un largement écho aussi dans la mémoire collective. Ce fut, j'ai pu voir dans les petits panneaux de visite, la capitale européenne en la matière. Tresses alors, c'est donc un événement qui se déroule pour la première édition sur ces deux journées, au travers d'une exposition qui elle a démarré début mai dernier, le 6 mai, qui sera visible jusqu'au 1er octobre prochain. Et puis deux journées événements, celle-ci aujourd'hui, adressée principalement aux professionnels, mais également au public, ce samedi, avec des ateliers et autres multiples animations. Tresses alors célèbre l'art du tressage. Alors à l'image de cet événement finalement et de la tresse où s'entrecroisent, si c'est bien compris, des fils, on vous propose cette petite table ronde en forme de causerie, croisée, entrecroisée sur la question oblique, si j'ai bien aussi saisi la technique pour dérouler le fil. Bref, la question de la conservation et captation, transmission des savoir-faire. Alors différents intervenants ici au plateau, si j'ose dire, Sébastien Savarino, Didier Lazareski, Philippe Ribert, Olivier Verriel, Emmanuel Guedes, vous allez vous présenter plus précisément d'ici un instant. Je rappelle juste qu'on va avoir un premier temps d'échange ici de par la... les intervenants présents, intervenants, intervenantes, mais qu'on laissera ensuite le micro circuler en salle si vous avez bien entendu des questions ou envie de réagir. Alors, première question posée peut-être, c'est toujours important de savoir d'où l'on parle. Et donc, on va faire un petit tour de table pour vous présenter et puis savoir finalement aussi quelle structure ou autre vous représentez. Alors, on va faire ce petit tour de table si vous le voulez bien. Juste à ma gauche, Sébastien Savarino. Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Sébastien Savarino, je suis co-gérant et co-fondateur de la société K-Process. Cette société a 18 ans et nous avons développé une expertise autour de l'usage de la vidéo pour permettre à nos clients de standardiser ou de rassembler les bonnes pratiques d'une entreprise, d'améliorer les processus et de pérenniser les savoir-faire. Voilà. Juste à vos côtés. Donc Olivier Verriel, je dirige une entreprise industrielle qui s'appelle la Société Scholtes de fabrication. Nous avons 2000 machines, dont un parc de métiers bois. Donc les métiers bois sont en mode musée ici, mais chez nous ils sont en mode production. C'est une activité qui marche bien, principalement pour le haut de gamme, les maisons de couture parisiennes. Nous sommes aussi donc tresseurs sur des métiers rapides, tisseurs et tricoteurs en petite largeur. Vous savez que le textile est divisé en petite et grande largeur. Donc nous on est en petite largeur. Donc dans l'ouest, vers Cholet, pour vous situer, c'est entre Nantes et Angers. Je dirige aussi Made by Bobine. Made by Bobine, c'est une marque qui édite du mobilier, des objets fabriqués à partir de nos savoir-faire. Ce sont des designers qui sont venus à l'usine. Et on a eu envie de nous auto-éditer en 2010. On a été labellisé France Tiers-Lieu l'année dernière. Et dans le cadre de cette labellisation, nous créons un tiers-lieu. Emmanuel vous en parlera, je te laisse la balle. Et puis dernièrement, je voulais vous dire une dernière chose. Les entreprises qui ont des savoir-faire rares et d'exception... Il y en a trois, à ma connaissance, dans cette salle, peut-être quatre, mais trois sûrs, dont un qui est dans la salle et un qui est ici avec nous, sont labellisés par l'État, entreprises du patrimoine vivant. Ce sont des entreprises qui maîtrisent un savoir-faire rare et d'exception. Donc vous voyez que ce propos de l'immatériel a été pris en charge par l'État. Et donc ce savoir-faire rare et d'exception est souvent symbolisé par moi, par un geste de doigt, de la main, qu'on ne saurait définir. Et donc, dans l'Ouest, dans votre région, on va commencer par votre région, il y a 600 EPV sur les 1400 françaises. Dans notre région Pays de Loire, nous sommes 200. Et vous avez Baptiste ici qui travaille sur l'association qui le regroupe et qui est venu avec moi ici. Merci. Donc, originaire du Maine-et-Loire. Et je rappelle d'ailleurs, dans l'idée, intention de l'événement Tresses alors, c'est de dérouler finalement aussi cet événement d'année en année et que cette année, cette édition se déroule ici dans le Dorlet, mais le Scholtes devrait accueillir la deuxième édition de cet événement et ainsi de rendez-vous en rendez-vous finalement sous forme biennalisée un événement fort, en tout cas autour des tresses et lacets. On revient dans le pays, si j'ose dire, et précisément ici, dans le parc du Pilat. Oui, donc bonjour à tous, bonjour. Didier Lazareski, chargé de mission patrimoine au parc du Pilat. Mon rôle dans le cadre de cette mission patrimoine, c'est d'identifier les ressources patrimoniales, de fait, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, pour essayer de construire du projet avec les acteurs locaux autour de ce patrimoine. C'est-à-dire de pas uniquement raisonner le patrimoine en termes d'aspect muséographique ou voire nostalgique, mais bien de projeter en fait le patrimoine sur des objectifs de développement et de création d'activités, en fait. Très bien, merci. On continue ce tour de table. Alors, on l'a quelque peu évoqué à l'instant avec Olivier Verriel, la société Scholtes de fabrication. Ici, le musée des tresses et lacets à la terrasse sur Dorlaix. Mais c'est un musée atelier. C'est aussi deux tiers-lieux. Alors, associés à la, je sais pas, on peut dire SCF, société Scholtes de fabrication, il y a Made by Bobine. Et il y a un autre tiers-lieu. La Scholtes, tout simplement. La Scholtes. Les clients nous appellent souvent comme ça. Oui. Alors, c'est Made by Bobine, mais c'est la manufacture des tressages. Voilà. C'est-à-dire que Made by Bobine est labellisé manufacture de proximité sous le nom de manufacture de tressage. Parce qu'un tiers-lieu, mais je laisserai Emmanuel le définir. Oui, on va y revenir. Je laisserai Emmanuel le définir. Et un tiers-lieu, ouvre à des publics beaucoup plus larges qu'un industriel, tout en mettant à disposition des moyens industriels. Bon, j'ai... Oui, donc mais aussi... je ne sais pas si on peut définir un tiers-lieu. C'est peut-être indéfinissable. Alors peut-être Emmanuel va le tenter parce que vous représentez justement, alors là aussi les choses s'entrecroisent, les nouveaux ateliers du Dorlaix, la turbine créative, Emmanuel. Oui, alors bonjour à tous. Guedde. Voilà, moi je m'appelle Emmanuel Guedde, je suis co-directrice de la turbine créative qui est le tiers-lieu de l'association des nouveaux ateliers du Dorlaix. Donc un tiers-lieu, c'est un lieu hybride où des publics différents se rencontrent. Je pense qu'on va faire tiers-lieu ce week-end, enfin ces deux jours justement, puisqu'aujourd'hui on a les professionnels, ce soir arrive le grand public, mais les professionnels seront encore là pour faire une soirée plus festive. Mais on parle, à la turbine créative, ce tiers-lieu il est dédié au savoir-faire textile, à la création, au design et aux accessoires de mode. Donc voilà, c'est en ce nom que je suis là aujourd'hui. Ça, c'est ma première casquette. Et puis, j'ai une deuxième casquette, puisque j'ai été artisane pendant une vingtaine d'années en tant que modiste. Et je suis aussi, du coup, aujourd'hui, là, je vais être la parole des professionnels des métiers d'art par rapport à cette question de transmission et de conservation des savoir-faire. Voilà. Et pour terminer ce tour de table, qui va être aussi finalement assez représentatif du panel large qu'on a essayé de balayer, hein, une entreprise, une collectivité, une société qui propose une solution technique, on retrouve une autre forme avec vous, Philippe Ribière, vous représentez la SCOP Fontanil. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Philippe Ribière. J'ai 56 ans, je suis PDG de Fontaniscop depuis très peu, puisque j'ai pris la succession de Monsieur Arnaud, de Roland Arnaud, qui prend sa retraite, mais il y a quand même 33 ans presque que je suis chez Fontani et que je connais ce métier. Je suis rentré à la base chez Fontani, je suis rentré au métier fuseau. Donc j'avais pour mission de les démonter et à l'époque on les retapait le jacquard, les chemins, les pieds de fuseau, enfin voilà quoi. Et voilà, et donc on a repris le textile à périclité avec les années, les années 90 ça commençait à peu près. Et ensuite, on a repris en 2012 sous forme de SCOP. On était une poignée de cadres qui avions un projet. Et on a repris cette entreprise sous forme de SCOP à la barre du tribunal. Donc ça a été très difficile. Et ça fait depuis 2012 qu'on a gravi les échelons. Et depuis, ça marche. Hein, ça marche bien même. On fait de belles années là. Alors, faut savoir qu'on est une entreprise quand même... on est des spécialistes du haut de bas, du haut de bas dans le médical. Donc on est une entreprise intégrée. On part du fil, on tricote. On tisse, donc on a des métiers crochets, des métiers Rachel, des métiers à tisser, et ensuite on teint, on enduit, donc on est spécialiste de la dépose de silicone liquide aussi. Donc on est parfaitement intégré, ce qui est très important dans le médical, parce qu'eux, ils veulent de la traçabilité, sinon ça ne marche pas. Pour travailler avec eux, il faut de la traçabilité. Et aussi on a conservé donc, ce que j'appelle la vitrine de Fontani, c'est le métier fuseau, donc on est spécialiste de la dentelle élastique, c'était à l'origine, c'était ce qui différenciait Fontani du reste, c'est de faire de la dentelle, mais élastique. donc pour la lingerie. Et là, pour le moment, on fait tourner ces métiers, même si ce n'est pas rentable économiquement. Mais grâce à ça, on est EPV. Et puis, j'expliquerai tout à l'heure, on est manufacture de proximité. Et puis, j'essaierai d'expliquer ce que c'est aussi, parce que ce n'est pas évident d'expliquer un tiers lieu. Une autre forme de labellisation. Avec Olivier, voilà. On est trois donc labellisés, voilà. Trois EPV. Depuis récemment, ça fait deux. Et juste pour redonner un contexte historique important, parce qu'ici, c'est une capitale mondiale. Moi, je dirais mondiale. Je ne sais pas, quelqu'un dit européenne. J'ai dit européenne, tout à l'heure. Non, mondiale. C'était Saint-Chamond, capitale mondiale de la tresse et du lacet. Et ça a été 150 ans. Une saga industrielle comme ça, il y en a rarement eu. Et l'Entrillac, et où est Philippe, le Puy-en-Velay, ça a été cette capitale de la dentelle, de tresse au fuseau, hein, comme il l'a fortement dit, qui est un héritier de ces métiers bois. Hein, c'est-à-dire que c'est un brevet déposé en 1850 à partir de savoir-faire développé à Saint-Chamond par Richard Chambovet à l'origine, hein, votre papa à tous en quelque sorte. Et donc, pour la tresse, désolé, c'est un peu oublié, mais voilà, il faut le dire. Et donc, du coup, il développe ce métier dentelle formidable que Fontanil maintient avec brio. On n'est plus que trois à les avoir en France. Hein. Donc très, c'est très rare. Merci d'avoir resitué. Donc vous êtes basé au Puy-en-Velay, effectivement. Au Puy-en-Velay, et je précise que nous, on a 160 ans à peu près d'existence et de savoir-faire. Voilà. Très bien. Alors vous avez déjà démontré la diversité possible, et puis on reprécise pour ceux non initiés, comme moi par exemple, hein, que la tresse, les lacets ne relèvent pas que de l'habillement, quoi, finalement, hein, et que ce sont aussi dans des secteurs et des industries innovantes et très variées, souvent oubliées peut-être, mais on retrouve véritablement la tresse dans de multiples formes de notre vie quotidienne, je dirais. Ce sont des lacets, certes, ce sont aussi des câbles électriques, ce sont des fils dentaires, des câbles de pêche et autres possibles. Alors, autre question d'emblée et d'ouverture, et qui va s'adresser également à vous tous et toutes, de par l'intitulé de cette table ronde, donc on va en tirer le fil rouge, si j'ose dire, qui est celle du savoir-faire. Alors, je suis allé un peu prospecter pour préparer cette table ronde, de par vos sites respectifs, Internet, et j'ai pu voir qu'un onglet dédié était déjà ciblé sur cette question du savoir-faire et décliné sous de multiples formes. Précisément, quand on parle de savoir-faire, surtout vous parlez de quoi ? Comment vous pourriez les uns, les unes et les autres le définir ? Bon, je dirais que c'est une transmission... Philippe Ribert. C'est une transmission du savoir-faire qui date depuis le début, en fait. Hein. C'est-à-dire que de génération en génération, ils se sont transmis... ils prenaient soin, à l'époque, de transmettre avant que les gens partent, justement. C'est des choses qu'on n'a pas su faire dans les... Je dirais à partir des années 90, où on a fait partir des flopées de... Moi, je me rappelle, avec Fontani, on a vécu des licenciements, des restructurations d'entreprises où on voyait partir 10 personnes, comme ça, à 55 ans, avec du savoir-faire. Et donc, c'était ça, en fait, la clé. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on se bat pour ça, quoi, en fait, hein, pour maintenir ce savoir-faire qui n'est plus... Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation spécifique à l'extérieur. Donc, on est obligé de transmettre ce savoir qu'on détient depuis ces 160 ans, en fait. Hein. On le transmet maintenant, c'est sur le fil du rasoir. Quoi. Voilà. Sébastien, oui, Savarino. Je voulais juste... par rapport à la notion de savoir-faire, nous, on est surtout sur la notion de tournement, de gestes justes, d'avoir développé quelque chose de... On est plutôt sur quelque chose de manuel, a priori, qui nécessite une cinétique, des efforts particuliers, des positionnements particuliers et des conditions de réalisation particulières, température, hygrométrie, les choses comme ça. Enfin voilà comment nous, on va définir le savoir-faire. Didier Lazareski. Moi, si je me place du point de vue, si je me fais le porte-parole des territoires, pour moi, les sommes de savoir-faire qui existent sur un territoire, ça constitue un capital pour ce territoire-là, avec les risques de perte de capital qu'on constate de toute façon. Effectivement, pour ce qui concerne le territoire du Pilat, on a encore la chance d'avoir des entreprises qui fonctionnent plutôt bien. Mais on sait que, historiquement, sur le Pilat, il y a eu toute la filière textile qui a existé, c'est-à-dire depuis la filature, voire la production de verre à soie, jusqu'aux produits finaux. Et dans le temps, il y a un tas de savoir-faire qui ont disparu, c'est-à-dire qui sont soit éteints, c'est-à-dire dont on n'a plus de traces, soit ce qu'on appelle nous des savoir-faire dormants, c'est-à-dire des personnes qui détiennent encore ce savoir-faire, mais qui ne l'exploitent plus, qui sont en arrêt d'activité. Et tout ça, pour nous, ça constitue un capital, et notre modeste contribution, je dirais, à tout ça, c'est d'aller chercher ce capital-là et d'essayer de voir comment on peut d'abord le maintenir et ensuite le développer, quoi, ou le redévelopper. D'autres appréciations, façon d'appréhender cette peut-être définition. Alors effectivement, c'est comme Philippe a pu le dire, ça peut être une menace, hein, une menace de le perdre, une menace qui existait et qui sont perdues. Et je pense que dans cette région, vous l'avez malheureusement subi. C'est aussi une force. Nous, c'est notre force. C'est pour ça que nous sommes encore en France. C'est tout le paradoxe, d'ailleurs. C'est quand on sait le préserver, et maintenant c'est le cas de Fontanil aussi, parce que maintenant vous êtes passé de ce côté-ci, comme vous avez dit, on marche bien. Bah, nous aussi, parce que on a su identifier ces savoir-faire. On a une grille de criticité sur ces savoir-faire chez SCS, il y en a 60, quand on découpe notre process par ces savoir-faire. Donc il faut déjà les identifier. Et quand on les a identifiés, on va pouvoir en faire plus qu'une force, une opportunité. Ça va déjà donner des éléments de langage. Vous allez pouvoir définir votre ADN. Je suis quoi ? Moi, SCF, je suis quoi ? Qu'est-ce qui fait que j'existe ? Pourquoi je suis différent des autres ? En marketing, par les positionnements. Je dirais que c'est un élément de langage simple qui va vous permettre de vous définir. Le savoir-faire, ensuite, ça va amener deux éléments méthodologiques, et sans doute vous en parlerez, parce qu'il y a la méthode ici et là, qui sont la conservation. Parce que si vous conservez, ben après vous pourrez transmettre. Conserver, c'est donc, nous, en tant qu'industriels, très égoïstes, c'est chez nous, en interne, on va le cacher. C'est conserver ce savoir-faire, et pas tout dire, et surtout que ça se sache pas, parce que c'est notre secret, pour transmettre en interne. Mais on peut aller beaucoup plus loin. En fait, en ayant conservé, on a pu faire des documents néophytes, pour les néophytes, pour vous expliquer ce qu'est le tressage, cet entrecroisement oblique de fil. On expliquait tout ce qu'on peut en faire. Luce, demain, chez Azalon, la directrice du musée, vous fera la tresse sous toutes ses formes. En gros, elle vous expliquera comment la tresse envahit votre vie sans que vous le sachiez. Et tout ça permet donc cette conservation, d'aller transmettre de multiples formes, transmettre à nos ouvriers en secret, transmettre très ouvertement beaucoup de choses pour donner envie. Et je vais finir là-dessus. Bah, Emmanuel, on transmet, nous, à travers cet outil formidable, et puis toi aussi, Philippe, hein, que sont ces manufactures de proximité. C'est une vraie évolution économique. Je dirais que peut-être ça sera une vague comme Internet, qui n'est plus une vague, maintenant c'est intégré. Parce qu'on casse cette frontière. Et dès qu'on casse cette frontière dans nos organisations économiques, on crée des vagues avec des vraies opportunités. Et c'est un phénomène qu'on vit tous les trois, où on voit que quand on a déposé nos dossiers il y a un an et demi, c'est ça à peu près, c'était pas du tout connu, vous n'en parliez pas, vous communiquant, et que maintenant, il n'y a peut-être pas une journée où un journal ça en parle. France Tiers-Lieu, l'organisation qui coordonne tout ça, d'une centaine ou peut-être 200, 300 manufactures qui existent en France, il parle de 5000 maintenant. Donc ça va se développer, devenir un vrai phénomène. Et c'est sur le savoir-faire. Si on veut avoir une manufacture de proximité, il faut avoir quelque chose à raconter, un ADN, donc j'en reviens. Et cet ADN est souvent basé sur cette chose dans la main qu'on ne peut pas toujours décrire, un savoir-faire. Et quand même, j'aimerais tenter la description du savoir-faire. Je pense qu'il y a effectivement la dimension manuelle et technique, mais il y a beaucoup de sensibilité, il y a de l'oralité, il y a tout ça qui est rassemblé. Ce qui fait que cette notion aujourd'hui, enfin, elle a toujours été comme ça, mais transmettre le savoir-faire, c'est une vraie aventure. Voilà. En tout cas, dans les tiers-lieux. Alors le savoir-faire, moi je l'entendais effectivement comme technique finalement. Hein. On va dire peut-être l'étape préalable, ce serait effectivement donc la captation avant la transmission. Alors justement, comment vous procédez les uns et les autres, peut-être pour la Scope Fontanil, peut-être pour la Scholtez. Tout à l'heure Didier Lazareski évoquait ces savoir-faire peut-être éteints, ceux qui n'existent plus, qu'on ne trouve plus, mais dont il s'agit de retrouver des traces. D'autres dormant, c'est-à-dire que finalement ce savoir-faire est là, bel et bien présent, mais il est détenu mais non transmis, quoi, finalement. Mais il y a bel et bien un savoir-faire vivant, puisque vous employez des personnes, des ouvriers, ouvrières, je ne sais pas si on dit encore comme ça, qui ont ce savoir vivant là, qui le détiennent et qui doivent aussi assurer ce travail de transmission. Donc comment, voilà, comment vous procédez finalement les uns et les autres sur ces enjeux-là aussi, qu'il faudrait peut-être redéfinir plus particulièrement en fonction de vos réalités? Bah, je dirais que c'est une volonté de l'entreprise déjà, hein, c'est une politique, hein, une volonté. Là où j'ai, moi quand je suis rentré, il y avait 10-15 personnes qui avaient ce savoir-faire, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une par exemple. Donc c'est maintenant que ça devient dangereux et c'est là qu'il faut vraiment mettre quelqu'un, une personne, deux. Et c'est là où l'enjeu est critique parce que ça coûte de l'argent, quoi. Voilà, c'est là la formation en fait, c'est la base. La base c'est la formation en fait. La base c'est on a une personne qui sait faire, elle sait faire. Donc après c'est elle saura transmettre, elle sait transmettre. Et c'est comment on fait pour lui mettre quelqu'un et le financer. Voilà, c'est trouver un financement parce que c'est le nerf de la guerre, il est là en fait. Hein. Quand vous avez une activité comme nous, Fuseau, c'est pas ce qui fait le chiffre d'affaires de Fontanille. Hein. Si on voulait, on pourrait s'en passer largement. Hein. Donc voilà, c'est là que c'est compliqué. Alors bon, c'est vrai, j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Nous, ça a été une démarche très construite. Elle a commencé en 2010 par cette grille de criticité. Cette grille, on l'a publiée maintenant, pas avec nos données, mais parce qu'on accompagne les EPV Pays de Loire sur un programme de conservation. Donc, vous avez compris, on fait cette grille de criticité qui va permettre de travailler avec les dirigeants, les personnes clés d'une entreprise, sur définir comment ces savoir-faire s'enchaînent dans une entreprise. Donc, il y a une différence entre un process, le process c'est ce qui se passe et qui fait quoi jusqu'à la fin, et le mode opératoire qui est comment on le fait. Donc ce process, on va le diviser en mode opératoire. Et là, vous aurez vos savoir-faire critiques. Et ce savoir-faire critique, nous on en a 60, on va les sous-diviser aussi. Parce que quand vous voyez, je vous dis, vous allez passer le CAPES, très peur. Et je vous dis, vous allez réviser 10 pages de cours et tu viens me revoir dans 24 heures, beaucoup moins peur. Donc quand on sépare un objectif qui semble inatteignable en sous-objectif, ça paraît inatteignable. Première étape. La deuxième, c'est là, je pense que ces messieurs ont beaucoup de choses à nous dire, c'est la conservation. Donc, il y a une chose de conservation qui est assez simple, c'est qu'on travaille sur des formats de mode opératoire écrit. Ça a beaucoup évolué. Maintenant, on est sur des méthodes du lean management avec des documents beaucoup plus lisibles, avec des pictos, des tas de choses. Donc, c'est plus le gros document écrit qui fait 80 pages et assez ingérable. Donc, ça a été fait financer par l'OPCO il y a quelques années sur le métier de dentelière. Donc, Philippe, nous, on l'a fait. C'est un pavé. C'est ce qu'on dit dans pas mal de parties. Le plus compliqué, c'est la mise en carte, parce que je pense que toi, tu en as une personne, mais nous, on n'avait que Tiffaine, on n'en a qu'une, et qu'en France, il y en a peut-être trois qui savent encore savoir. Et donc, c'est ça qui va permettre à la troisième étape d'aborder, mais je voulais juste, sur cette conversation, redire que vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais surtout l'utilisation, et ça, j'y crois beaucoup, numérique, et tout ce qu'il peut y avoir du monde nouveau, si je puis dire, moins nouveau maintenant, et qui peuvent énormément aider, notamment, parce qu'un petit ce que tu disais, Emmanuel, cette partie de gestes, de choses qu'on ne saura pas décrire, de sensibilité, tu parlais de ça. Et si vraiment on veut le conserver en cas de catastrophe, que je vous parlais de ces grilles de criticité, ben, il peut y avoir des éléments, ce qu'on appelle des menaces, et qui peuvent survenir dans nos savoir-faire, et qui peuvent faire, ben, là il y a une menace potentielle, hein, quand il n'y a plus qu'une personne, qui peut faire que, voilà, et on pourrait peut-être sauver les meubles si ce document va suffisamment loin. Et puis après, bah, c'est transmettre. Alors transmettre, comme disait Philippe, c'est coûteux parce que on est des entreprises qui sont fières d'avoir un bon RSE. Il y a plein de marques qui vous racontent leur RSE avec des ouvriers payés 400 euros au Pakistan parce qu'ils les payent deux fois plus que localement. Mais nous, on est très fiers de payer au SMIC, voire plus. Et que si vous n'êtes pas au courant, c'est un peu plus que 400 euros le SMIC. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais bon, je vous le dis au passage. Et donc on n'est pas dans le même terrain qu'eux, et on maintient pourtant des activités industrielles en France. Voilà, dans ces conditions-là. Et qu'on le maintient avec, en plus, quelquefois, des salaires à payer en double. Je crois que c'est ça que tu voulais dire, Philippe. Hein, on est bien d'accord. Hein. Parce que quand on doit transmettre, à un moment, on doit bien avoir un sachant qui va prendre du temps et transmettre à un non-sachant en utilisant ses outils, voire d'autres. Voilà. Merci. Alors, mais justement, la question des connaissances est très importante, et puis elle se décline sous différentes formes. Finalement, il y a la question des concepts, des outils, des méthodes. Avoir un sachant ou une sachante, c'est une chose, mais la question de quelle manière on peut aussi transmettre, justement, c'est une véritable problématique. Alors justement, vous procédez de quelle manière? Comment on fait, tout simplement, quand on est employeur et qu'on cherche du personnel? Comment on se projette précisément dans ces problématiques-là, concrètement? Bon, déjà, nous, on est une SCOPE, donc c'est particulier. Particulier parce qu'en fait, il faut avoir l'esprit SCOPE. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la SCOPE, il faut être sociétaire, parce qu'on va le devenir, en fait. Hein, et il faut être dans le partage, il faut être dans, comprendre ce que c'est qu'une entreprise, c'est-à-dire pas se cantonner simplement en ouvrier, quoi. Il faut prendre une dimension autre. Donc nous, on essaye de rechercher des profils comme ça de personnes. On recherche pas les compétences parce que de toute façon, il les a pas. Donc on recherche la personne, idéale qui correspond à la mentalité de la SCOPE, voilà. Et puis après, on le met avec une personne, et là, j'en reviens à ce que tu disais, Olivier, c'est qu'en fait, cette personne qui va former, elle dit, mais moi je forme, donc je mérite. Donc c'est des personnes qui ont un salaire plus conséquent. Hein, et qui sont sur une forme de polyvalence, quoi, finalement. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas polyvalent, vous mourrez. Hein. Et c'est obligé. Nous, on est. Oui, dans tous les secteurs. Tous les employés sont polyvalents. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui est au tissage, mais qui ira aussi en teinture, et vice-versa. Ça, on l'a mis en place dès le début de la SCOPE, et c'est primordial, je dirais. Voilà. Mais alors donc, de par l'expression, c'est un peu on se forme sur le tas, quoi, finalement. C'est ça. Oui, mais c'est structuré, quand même. C'est structuré. Oui. C'est structuré, tout à fait. Ouais. Peut-être, tiens, Philippe qui rigolait au fond, vous ne voulez pas venir raconter concrètement comment ça se passe, transmission de Tiffen à Katia, etc. Peut-être vous allez pouvoir nous dire, parce que vous êtes vraiment sur le terrain là-dessus. Sinon, on laissera la place aussi à la... Venez rapidement, Philippe, vous allez dire en deux secondes, parce que quels enjeux, par exemple, comment ça trouble la production, quels problèmes ça vous pose, en deux mots. Bien prêt. Parce que ça va être concret, là. Oui. Alors, Philippe, il est responsable du tressage, des métiers bois et de l'unité dentelle chez nous, de trois unités. Donc, oui, nous, c'est pareil, on est avec une personne aux dentelles, donc qui connaît de A à Z. Très, très proche, excusez-moi. Et donc, on a pris l'option de justement former quelqu'un. Donc, on a retiré quelqu'un du tressage rapide pour la mettre aux dentelles. Donc, ça découvre une partie de l'entreprise. Donc là, c'est comme dit monsieur, la polyvalence est très importante puisqu'en fait, on fait tourner dans tous les services. Par rapport à notre capacité de travail, on est obligé de faire bouger les personnes de tous les postes. Donc ça, c'est vraiment très important, la polyvalence. En sachant qu'on, entre guillemets, on sacrifie une personne qui est tous les jours à apprendre le métier de dentelle et qui est très compliqué, surtout la mise en carte. Donc voilà, c'est vrai qu'on retire quelqu'un quand même de notre production pour apprendre et garder ce savoir-faire. Parce que si cette personne, comme disait monsieur Raël Tiffen, n'est plus là, les dentelles, entre guillemets, c'est fini. Donc il y a un moment où il faut prendre l'initiative de dire tant pis, on casse quelque chose. Et après, c'est nous de nous arranger pour que tout tourne. Voilà, en quelques mots. Merci, Philippe. Merci. Oui, alors en fait, si je comprends bien de ce constat-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de formation existante dans vos secteurs d'activité. Donc c'est un... Pardon, Emmanuel, oui. Du coup, justement, dans les secteurs d'activité industrielle, effectivement, ils en témoigneront, pas de formation ou peu. Dans le domaine des métiers d'art, il faut savoir que c'est 281 métiers d'art. Donc autant vous dire que, ça se trouve, certains métiers, il y en a un seul en France. Et l'Institut national des métiers d'art, qui est rattaché au gouvernement français, fait tout un travail pour maintenir ses savoir-faire avec un système, par exemple, maître d'art-élève. On pourra en parler plus tard. Voilà. Mais je pense que c'est un même sujet, mais qui n'est pas forcément traité de la même façon selon les secteurs. Voilà. Mais c'est un sujet... L'INMA, donc nommé Emmanuel, est aussi l'association de droit public qui gère le label EPV. Et effectivement, comme dit Emmanuel, il y a 280 métiers d'art, c'est ça, 280 de base, qui vont être des métiers sur boulangerie, peut-être, sur un tas de choses. Non, c'est vraiment... Il n'y a pas l'alimentaire, je croyais qu'il y avait aussi... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas l'alimentaire. Bon, j'ai dit une bêtise, c'est pas grave, c'est pas la première. Et donc, on ne se retrouve pas forcément, nous, industriels, dans tous ces savoir-faire. Moi, je sais que j'avais regardé et il n'y avait rien exactement qui correspondait. Et pourtant, on a le même langage, on a la même nécessité qu'un artisan. Il y a une ambiguïté, d'ailleurs, sur cette compréhension du label EPV, parce que nous ne sommes pas artistes, nous ne sommes bien industriels, n'est-ce pas, Philippe ? Pour autant, on est considéré dans cet organisme comme étant des entreprises de quelque chose d'un peu précieux, rare, de pièces uniques. Enfin, il y a quand même cette notion-là qui ressort. Voilà, mais c'est un petit peu un autre sujet, mais bon, voilà. Oui, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui. Est-ce que je peux... Oui, voilà. Je voulais dire qu'il y a aussi dans ce savoir-faire, il y a la partie textile, le textilien, c'est-à-dire celui qui sait la mise en carte et autres, mais aussi la mécanique, hein, parce que c'est une mécanique très particulière. Il ne faut pas oublier que le mécanicien aussi, qui sait faire ça, qui sait réparer ses machines, il n'y en a pas, il n'y en a pas des tonnes. Hein. C'est vraiment une mécanique très particulière, pour ceux qui connaissent. Et ça fait partie aussi du... Il n'y a pas que la partie du haut du textile, il y a la partie en dessous, toute cette mécanique. Et c'est un savoir-faire qu'il faut maintenir aussi. Il faut savoir réparer un métier fuseau, c'est pas si simple que ça. Oui. Alors là, on le voit en photo, mais on est dans quelque chose déjà de très mécanisé et plutôt moderne, me semble-t-il. Mais vous travaillez, vous aussi, avec des machines traditionnelles, très anciennes. Cool. Donc il y a aussi ce savoir-faire très particulier. Déjà, du coup, ça veut dire que ça se décline en de multiples possibles, ce secteur. On a vu là, dans le musée atelier, justement, ces machines anciennes et traditionnelles en bois, de hêtre, noyé et autres qui sont... plus que centenaire, j'imagine. Enfin, là, du coup, c'est aussi un savoir-faire très particulier, une technique très particulière. À l'image, vous avez un métier fuseau là, qui a 90 à 100 ans. Hein. Ouais, il n'est pas en bois, mais... Ouais, ils sont anciens, ceux-là. C'est des métiers Kreinzler hein, qui viennent d'Allemagne, qui sont arrivés dans les années début 1910, je pense. Et voilà, hein. Donc, ce sont des machines très anciennes. Et là, on voit des bobines avec un carton comme alors un peu ça, les orgues. C'est le jacquard. C'est ce qui fait le dessin de la dentelle, en fait. Et c'est là qu'il faut trouver des gens compétents pour réparer. Par exemple, moi, je sais faire, parce que j'ai eu une grosse formation au début que je suis rentré chez Fontani. Je sais régler un jacquard, je sais recharger les griffes du jacquard, les couteaux, je sais refaire un battant, le métier, je sais. Et ça, après, moi, je sais faire, mais il y en a... Plus personne ne sait faire ça. Plus personne ne sait faire. Et ensuite, y a, dans la question qu'il y avait tout à l'heure, il y a cette notion, parce qu'on a répondu sur une forme de question qui est de dire sur cette polyvalence qu'on crée en interne. Donc c'est des gens en interne qu'on va sortir du mode production entièrement ou partiellement pour les former à notre savoir-faire, de manière à ce qu'une personne devienne détentrice de plusieurs savoir-faire dans notre entreprise. Et ce qui nous amène énormément de souplesse parce que les commandes ne sont pas toujours sur le même savoir-faire. Donc on va bouger les gens, puis on va du coup aussi nous sécuriser puisqu'il y aura plusieurs personnes qui maîtriseront le savoir-faire. Bon. Évidemment, la tentation aussi, pour nous, ça a été d'aller chercher des jeunes. Et notamment, ce qui me frappe sur ce que tu disais, Philippe, sur ces métiers de plus que de garreur, donc de maintenance. Alors là, pour les maintenances, on va chercher sur des formations de maintenance mécanique, souvent qui forment pour réparer vos voitures. Alors le textile, bah, ça ne fait pas viril, quoi. Ils n'aiment pas. Ils n'ont pas envie de venir chez nous. Et donc, on a beaucoup de mal. Alors, c'est souvent des hommes. Alors, vous voyez, le sexisme, hein, c'est encore dur. Bonjour mesdames, hein, mais ce n'est pas encore gagné. Parce que les frontières sur les métiers et hommes et femmes, ce n'est pas gagné du tout. Hein, ça, je peux vous dire. Hein. En BTS mécanique, bonjour mesdames. Voilà, ça pourrait très bien le faire, hein. Je suis désolé. Donc c'est plutôt des hommes qui n'ont pas du tout envie de venir dans une industrie. Puis la deuxième chose, c'est que les nouvelles générations, il ne faut pas critiquer, puisque c'est l'avenir et c'est vous les nouvelles générations, les jeunes, ben, ils ont envie de voir plusieurs choses. Ton profil, t'es un Mohican, quoi, 30 ans dans la même boîte. Hein. Philippe, c'est pareil, Olivier là-bas, c'est pareil, Mohican. Bon, maintenant, au bout de 5 ans, ils viennent vous voir en pleurant parce que ça leur plaisait, en vous disant j'ai envie de voir autre chose. Ben oui, c'est dommage, j'ai mis 4 ans à te former, t'étais au point là. Au revoir. Voilà, donc c'est très compliqué. Et nous, on a plutôt eu tendance à recruter alors beaucoup de femmes, parce que c'est vraiment elles qui venaient déposer leur CV, plus que des hommes, et plutôt en deuxième partie de leur carrière. qui avait besoin de se stabiliser. On a un environnement de travail agréable, ça c'est très important. Une ambiance qui, je pense, je suis moins bien placé pour vous le dire en tant que patron, mais je pense qu'elle est bonne. Et que du coup, eh bien, tout ça favorise que les gens déjà restent. Ça, c'est un élément aussi clé. Faut les garder, hein. Et deuxième chose, ça fait aussi qu'on attire, et beaucoup par bouche à oreille, hein. C'est les gens chez nous qui vont dire à une copine, tiens, quitte cette boîte agroalimentaire, tu travailles de nuit, etc., t'as passé 40 ans, tu vas peut-être les salaires sont moins bons chez nous, hein. Le textile, on n'a jamais été réputé pour payer extrêmement bien, mais au moins ils viennent pour ces autres raisons de travail agréable, d'environnement agréable, et puis d'un sens donné au travail. Quand vous êtes sur un savoir-faire, peut-être oublié de le dire, c'est que ça donne une autre dimension à votre quotidien, à votre travail, parce qu'il y a un sens, il y a quelque chose supplémentaire que je viens au boulot faire mes heures. Philippe Ribière, justement, alors comment on forme, c'est une chose, comment on informe justement alors, aussi sur ces métiers rares. Je voudrais redonner de l'espoir, parce que nous, on prend beaucoup de jeunes en stage, parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de collègues qui ont des entreprises, ils me disent, oh non, mais moi, je me fais pas chier, prendre un jeune 4 semaines, 8 semaines, voilà, faut s'en occuper, ils savent rien faire, il faut, voilà, bon, j'en ai plein comme ça. Mais moi j'ai des enfants, j'ai une fille qui a 20 ans, un fils qui a 30 ans, et quand ils étaient dans le moment où ils cherchaient un stage en entreprise, j'étais bien content que quelqu'un les prenne. Donc nous, on a cette politique, on n'en prend pas non plus 10 à la fois, hein, mais on en prend 2 ou 3, en maintenance ou des choses comme ça. Et justement, en faisant ça, on a réussi à trouver des jeunes qui tombaient amoureux, je dirais, de l'entreprise, de notre forme de scope, en fait. Et là, on a pris un jeune qui va rentrer chez nous en apprentissage. C'est-à-dire qu'il va faire une moitié en maintenance et une moitié en côté métier textile. Voilà. Donc, j'ai demandé l'autorisation à l'école où il va faire son alternance. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, ça se fait de plus en plus. On a de plus en plus cette demande. C'est-à-dire que moi, je lui ai expliqué, on a un métier spécifique, s'il ne fait que de la maintenance, quand il va aller réparer au-dessus du métier où il y a des fils, on est obligé de lui donner une formation complémentaire de textilien. Il n'y a pas de souci, on m'a dit. Et donc ce jeune, il est ravi et il veut rester. Il y a des jeunes qui veulent rester, hein, qui veulent pas. Il y a des jeunes qui veulent partir, qui ont le goût, qui ont envie d'aller... c'est le cas de ma fille, par exemple, elle voulait aller à Lyon, et puis après elle veut partir. Ben, c'est l'âge, hein, c'est normal. Mais il y en a, non. Ils veulent rester parce que en Haute-Loire, ils sont bien. Par exemple, nous, en Haute-Loire, une belle qualité de vie, tout ça, et ils sont tombés amoureux de l'entreprise. Mais ce qui veut dire que le secteur est toujours en besoin, finalement. Il y a des postes à pourvoir ou des choses à anticiper, en tout cas, sur ce plan-là. S'il recrée de l'emploi. De façon continue. Il faut sortir du paradigme. Du textile noir, le textile est reparti de l'avant depuis 5-6 ans et recrée de l'emploi. Je vous donne juste un chiffre, dans notre région, il y a 15 000 emplois dans le textile et le programme transfert vise à former 1000 personnes par an pour pouvoir les besoins. Donc c'est fini la crise dans le textile. Même s'il y a encore des boîtes qui ferment, il y en a d'autres qui créent, il y en a qui se développent. On a 8 apprentis, nous, hein, pour vous donner une idée. Alors plutôt sur des fonctions super, mais on en a 2 en intense, effectivement. On est 60. Didier Lazareski. Juste par rapport à ces questions de recrutement, puisqu'on a un petit peu de recrutement et de formation, je crois que je parlais tout à l'heure de savoir-faire en tant que capital territorial. Je pense que les territoires ont aussi leur action à mettre en œuvre par rapport à ça. Parce que quand on parle de capital au niveau d'un territoire comme la vallée du Dorlay ou plus généralement comme le Pilat, ce capital, il a aussi généré une culture locale. Qui est ancré sur une histoire locale où les habitants sont très, très attachés à ce patrimoine-là, que ce soit le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel. Et je pense qu'il faut aussi qu'on valorise cette culture et qu'à travers la valorisation de cette culture, on peut intéresser, alors pas les jeunes qu'on va aller chercher à l'extérieur, mais que tout ça, c'est un tout, en fait. Il y a l'entreprise telle qu'elle fonctionne et telle qu'elle produit avec ses conditions de travail, de salaire, enfin tout le bazar. Mais il y a aussi tout l'environnement qui y a autour et qui peut être soit favorable, soit défavorable. Et à mon sens, une des manières d'aller dans le favorable, c'est effectivement de valoriser cette culture locale en fait qui existe autour du textile, mais ça peut être d'autres activités sur d'autres territoires. Philippe Ribert. Pour compléter ce que vous dites, effectivement, il faut être désirable en fait. Les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas les critiquer, il faut leur donner envie. C'est-à-dire, c'est plus l'entreprise. Il ne faut plus qu'ils aient cette image de l'usine hein, noir, sale, avec un réfectoire. Non, il faut que ce soit, il faut être attractif. C'est-à-dire que nous, actuellement, on est en train, dans le cadre du projet de manufacture de proximité, on est en train de construire un réfectoire à la dimension de ce que les jeunes attendent aujourd'hui. C'est-à-dire un chouette réfectoire avec des belles douches, avec des beaux vestiaires pour changer, plus comme c'était avant, quoi. Et ça y fait. En préparant l'émission avec Didier, vous aviez évoqué l'utilité, beau. Juste une chose, vous avez une image de l'unité avec les métiers bois en production. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre à droite. Oui, on les voit et sur là, la photo. Là, c'est vraiment industrie. Vous voyez, là, on n'est plus au musée. Et à gauche, vous avez les métiers dentelles. Vous avez une des lignes, il y en a deux autres après, hors de la photo. Oui. Voilà. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, le contexte ou la conjoncture, en termes d'emploi, où on parle beaucoup aussi aujourd'hui de mobilité de l'emploi. Alors vous évoquez des gens qui ont 30 ans de boîte, alors qu'on envisage souvent l'emploi et le travail aujourd'hui sous la conversion, reconversion, en tout cas la mobilité. Donc j'imagine que pour vous, c'est une façon d'appréhender quand même les choses qui est complètement différente. Quand vous parlez de formation, c'est aussi sur le temps long que ça s'envisage, vous l'avez évoqué. Donc c'est déjà des projections de quoi, 5 à 10 ans pour que quelqu'un soit opérationnel, quoi, finalement. Déjà, il faut vérifier. Bon, déjà, si c'est un jeune, on sait qu'il a du temps devant lui. Ensuite, oui, théoriquement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est... Bon, là on en prend dans le cadre de l'alternance. Ces jeunes-là, ils vont être formés sur 2 à 3 ans. Mais ensuite, ils ne vont pas arrêter d'être formés. Hein. Ils vont continuer. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que nous, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 55 ans dans le textile. Hein. Des gens qui ont 60 ans, même s'il y a eu la réforme des retraites récemment, ce sont des gens qui sont appelés à partir rapidement. Donc, il faut se dépêcher, quoi. Et c'est vrai que pour une vraie formation dans le textile, il faut peut-être 4 à 5 ans, c'est sûr. Mais déjà, quelqu'un qui a une bonne formation, 2, 3 ans... Après, il va se parfaire de lui-même. Hein. Il faut le laisser voler de ses propres ailes et il n'aura pas toujours quelqu'un derrière lui, quoi. Moi, je sais, quand j'ai appris, j'avais besoin au début et puis au bout d'un moment, j'avais envie de... Voilà, que j'ai plus avoir personne derrière moi pour pouvoir m'envoler de mes propres ailes. C'est normal. Alors, tout à l'heure, en visitant le musée atelier, je voyais des vieilles affiches « cherche ouvrière ou cideuse » ou comment... Dévideuse, et puis cherche ouvrier ferreur et ouvrière ferreuse. Ça veut dire que finalement, le temps n'a pas véritablement changé. C'est toujours un petit peu le cas. Alors, sur la question de cette transmission, et vous l'évoquez tout à l'heure, ça se fait souvent en interne au sein de vos entreprises parce que vous avez un savoir-faire souvent propre. Déjà, de par vous, vos réalités et puis vos, activités respectives. Comment on fait avec à la fois ces contraintes, on compose avec ces contraintes et ces limites aussi, quoi, finalement, parce que vous le disiez, c'est un savoir-faire ou parfois une certaine excellence que vous avez au sein de vos entreprises, vos industries. Donc là, c'est une véritable question aussi problématique qui se pose. Alors, Emmanuel a bien commencé à répondre quand même, mais c'est par étapes, c'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire qui sont beaucoup plus courts. Par exemple, monter les tresseuses rapides, ça s'apprend assez vite. Mais après, de dire à la personne tu vas monter ça, et elle sait monter la machine. Après, commencer à connaître les fils. Par exemple, reconnaître un coton, différents cotons sont les titrages, c'est même un coton, une viscose, un coton, un polyester, au toucher. Il y a donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et après, il y a cette polyvalence qui est nécessaire à notre survie pour pouvoir bouger les gens d'un poste à l'autre, pour pouvoir suivre les cadences. Et effectivement, ça nécessite d'attaquer un autre savoir-faire. Si on prend l'exemple de Katia, là, qu'évoquait Philippe tout à l'heure, au début, elle a dû commencer au tressage, Philippe. Après, elle est allée au tricotage. Je me souviens, elle avait appris le tricotage. Et là, elle s'attaque à un savoir-faire, maintenant qu'elle commence à avoir une culture générale du fil, parce que c'est quand même ça, à la base, se toucher, eh bien, elle s'attaque à un savoir-faire beaucoup plus complexe. Et là, on est vraiment sur ce savoir-faire uniquement. Là, on est en année, certainement. Comme régleur de métier à tisser, un gareur. Et donc, elle part sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Emmanuel, est-ce qu'on peut dire que dans vos entreprises, comme au sein des ateliers des professionnels de métiers d'art, il y a le tour de main maison ? Oui. Oui, il y a. Et qui ne sont pas forcément des bonnes habitudes. Je confirme. Voilà, alors moi je pensais au bon tour de main maison. Ouais, mais Alors, on va revenir localement, parce que ça, c'est, ça m'a été dit par les tresseurs de la région. Peut-être Jacques qui est là, Camus, il pourrait le confirmer, mais on n'entrait pas dans une de tresse, ici à Saint-Chamond. Alors, l'une des raisons, c'est qu'il y avait beaucoup de métiers spéciaux et qu'il ne fallait pas qu'on les voit. Mais l'autre raison, c'est que le savoir-faire était développé par chacun et que je pense qu'il y avait ce tour de main maison, comme tu dis, Emmanuel, qui faisait qu'on ne voulait pas montrer tous ces petits secrets de fabrication. Quand tout à l'heure, je vous disais, ben, le mode opératoire, on va le cacher, on ne dévoile que des parties qu'on veut bien, parce qu'il y a des choses qui sont racontées là-dedans, ben, qui sont des tours de main maison. Mais je vais plus loin, on n'en est pas toujours conscient. Quelquefois, on ne sait pas nous-mêmes que c'est un tour de main maison. On ne sait pas que c'est un truc que nous, on sait, que les autres ne savent pas. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir justement sur ce dernier point, effectivement, enfin, dans nos approches, enfin, une partie de notre approche que je pourrais peut-être écrire plus tard, il y a cette notion d'explicite et d'implicite. Et un des enjeux, enfin, nous, de notre méthodologie, c'est d'aller chercher l'invisible chez les experts métiers, pour le rendre visible. Et donc le rendre transmissible, enfin arriver à former au final, puisque c'est ça l'enjeu, arriver à transmettre le savoir-faire. Alors merci pour la question, cher Olivier. La question du comment on fait. De comment ça se passe. Alors je reviens juste sur ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la notion de criticité et également ce que Philippe exprimait en termes de coût. Parce que transmettre un savoir-faire, ça a un coût. Donc il y a toujours cette notion de retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on va mettre pour récupérer? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et nous, notre métier, c'est d'essayer d'optimiser en fait, ce retour sur investissement avec la démarche que l'on a faite. Mais ça n'affranchit pas nos clients de travailler sur la criticité, effectivement, de ce qu'ils ont à transmettre. On a des clients qui catégorisent ça de trésor à grand public. Donc trésor, c'est juste, si on ne sait plus faire ça, bah, on ferme. Et jusqu'à grand public, bon, voilà, c'est le tout venant. Alors jusqu'à il y a quelques années, effectivement, il y avait juste cette notion qui était utilisée principalement par nos clients. Et depuis quelques années, c'est croisé avec un autre critère, qui est la notion de turnover, enfin de remplacement, enfin de volatilité en fait de la main d'œuvre, ce que décrivez, ouais, ça fait bah voilà super, ça fait 5 ans que t'es en poste et maintenant il veut changer alors que ça fait juste 1 an qu'il est efficient au poste. Donc il y a cette notion de priorisation qui est vraiment très importante. J'ai oublié de préciser que nous dans notre contexte on n'est pas du tout spécialisé dans le tissage ou la tresse. Nos clients, ça va de l'élevage de rongeurs pour laboratoire à des process de cristallogénèse de iodure de césium dans le nucléaire. Enfin, c'est très très varié en passant par l'agroalimentaire, etc. Et vos enjeux, votre problématique de transfert, de pérennisation de vos savoir-faire, c'est un enjeu aussi planétaire. Nous, on a des utilisateurs de nos solutions dans un peu plus de 45 pays. On retrouve ça un peu partout dans le monde, enfin, cette problématique. Nous, notre constat, c'est que ça a tendance à s'amplifier, quoi. Au moins l'aspect volatilité de la main d'œuvre. Voilà. Donc ça, c'est déjà sur poser le sujet, poser le problème. Vous n'êtes pas tout seul. Et je vous encourage aussi à ouvrir vos chakras et du coup à aller voir ailleurs parce que et pas que chez des petits. Je travaille actuellement pour un grand industriel et il se rend compte que là où il mettait 1 heure pour faire quelque chose, maintenant il en faut 5 et c'est mal fait, quoi. Alors ils ont la chance, eux, de pouvoir faire appel à leur fournisseur d'équipement pour pouvoir recapitaliser rapidement, réinternaliser des compétences dans l'entreprise, ce qui est compliqué pour vous dans le textile. Mais justement, là, ils ont dit, on arrête le sketch, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne va pas former 3 personnes pour que dans quelques années, justement, quand on va être parti, bah, du coup, ça va s'être de nouveau casser la figure. On va capitaliser ça au niveau de l'entreprise, et c'est là où ils font appel à nous pour déployer des moyens autour de la vidéo pour aller récupérer les vrais tournements, et ce qui fait qu'on est capable derrière de pérenniser un savoir-faire. Alors, en quelques mots, puis je détaillerai après s'il y a des questions peut-être sur l'approche méthodologique qu'on a pu tester avec succès au Parc du Pilat avec Didier. Donc tout commence une fois qu'on est effectivement qu'on a fait ce découpage de process et qu'on arrive au niveau du mode opératoire. Donc nos outils de modélisation permettent aussi ce travail de zoom pour être sûr qu'on va se focaliser sur quelque chose de effectivement fondamental. Si on prend l'exemple d'un changement, enfin sur un métier où là, les process qu'on a vus ce matin sur comment changer une canette sur un métier, il y a toute une partie de ce changement qui présente aucune difficulté, aucune complexité technique. Par contre, on va avoir à un moment donné le petit geste qui tue, c'est-à-dire que si on le fait pas, eh ben, ça va pas bien se passer, quoi. Je pense notamment à la pression de la pince pour retenir le nouveau câble ou fil qui mettait dans la presse. Alors, ouais, ce matin génial. Là. Il faut être capable, voilà, d'aller zoomer là-dessus. Donc nous, notre méthodologie, c'est on va à partir d'un cahier des charges qui permet de définir à la fois un périmètre de captation et puis la population à laquelle on va s'adresser au final quand même, parce qu'on va pas partir ex nihilo non plus sur les personnes qui seraient à être formées. Il y a une slide après là qui résume le hop encore après. Ah oui, ah elle y est pas. D'accord, ok, bon, dommage. Du coup, je vais vous l'expliquer. Bon, là ici, la démarche élémentaire, en fait, ça rejoint des approches dites d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cadré vraiment le problème, on va aller faire une collecte de données qui est sous forme de film. Okay. Donc, ce film, c'est vraiment la clé. Enfin, c'est le point à ne pas rater, savoir bien filmer correctement un process pour faire aller chercher le travail, notamment dans un premier temps, d'une experte comme Jacqueline sur un métier. Derrière, on va travailler avec cette personne pour analyser ce film et elle va nous confier, dire « Ah oui, ça c'est important parce que... » Donc ça, c'est une méthodologie américaine qui s'appelle le TWI. On liste les points clés et les raisons des points clés. Et une fois qu'on a fait ce travail avec cette personne qui a tout donné, on n'a jamais eu de problème de réticence à se confier. C'est très très très très rare. Dans les quelques missions où on intervient directement pour faire ça chez nos clients, on n'a jamais eu ce problème-là. Mais donc derrière, on a cette phase d'analyse où on va aller chercher le expliciter tant qu'on peut. Mais on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un mode opératoire qui est validé par un expert que cela fonctionne. Donc là, on met en œuvre une deuxième méthodologie, qui est une méthodologie inspirée de l'enseignement explicite. Alors, comme son nom l'indique, explicite, vous doutez un peu de quoi ça parle, et enseignement aussi. C'est une méthodologie canadienne, initialement créée pour modifier les gestes métiers des enseignants auprès des enfants. Et on a transposé ça au contexte andragogique, donc la formation auprès des adultes. Et donc, du coup, on va confier ce matériel à un novice, pour qu'ils mettent en œuvre ce process. Alors bien entendu, avant de faire ça, il va certainement revenir vers les experts, parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, donc il y a une première phase d'amélioration. Mais une fois qu'il se la sent, entre guillemets, eh bien du coup, il va aller sur le terrain et il va se filmer, ou il va être filmé. Donc on utilise ces lunettes caméra typiquement pour vraiment être au plus près du geste, quand c'est vraiment le tournement qui compte, la gestuelle vraiment qui compte. Et en fait, on va récupérer ce film et on va pouvoir faire un montage en parallèle entre ce que l'expert a fait et ce que le novice a fait. C'est très important. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de factualiser, d'objectiver l'écart qu'il y a entre ce qu'on attend du novice et le résultat, ce qu'il a réellement fait. Okay. Et du coup, on a donc derrière donc cette réunion de convergence, c'est le deuxième temps fort de la méthodologie après le modelage. Donc c'est là où on va avoir cette réunion où on a les experts, et les novices qui vont échanger sur pourquoi ils n'ont pas fait comme, enfin, ils ont fait comme ils pensaient bien, forcément, mais ils ne l'ont pas fait correctement et pourquoi. Et c'est là où on va pouvoir, par cette deuxième phase, vraiment extraire l'implicite, enfin, transformer l'implicite de l'expert qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, pouvoir transformer ça en explicite pour de futurs novices. Et là, quand on crée ce nouveau matériel, on a quelque chose qui fonctionne et qui a le meilleur retour sur investissement dans le sens où on a pu ajuster le niveau d'explicitation au réel besoin de résultats en termes de compréhension et donc du coup de faire derrière par un novice. La forme prise au final par les livrables sont divers. Peu importe, l'important, nous, notre raison d'être, c'est de permettre à nos clients donc de partager une vision commune de leur réalité et de créer un matériel à forte valeur ajoutée parce que ancré dans le réel et pas dans ce qu'on pense faire. Voilà. Les étapes... Après, ce contenu, vous le stockez entre guillemets où vous voulez, dans des gestionnaires de fichiers, on est sur du digital, vous parliez d'attirer les jeunes, c'est vrai qu'arriver avec un mode opératoire qui présente des photos et de la vidéo, c'est un tout petit peu plus attirant que le pavé que décrivait Olivier. Il n'empêche que nous, on va arriver effectivement peut-être à 80, 200 pages, mais avec du vrai contenu qui fait du sens, quoi. La notion de sens, c'est ce qu'on a aussi dans le TWI, les points clés, et les raisons des points clés. C'est important parce que il est fondamental pour des formations de que ça fasse du sens, enfin auprès des adultes. Si ça fait pas de sens, les gens n'appliqueront jamais. Voilà. Donc ça, c'est un outil possible. Donc vous l'avez mis en place avec le parc naturel du Pila. Et est-ce qu'il est éprouvé effectivement, ou il est en phase de test? Il est éprouvé. Alors Pour nous, dans notre démarche, l'idée, on est plus, comme le disait tout à l'heure Monsieur Ziliox, on est dans une logique de conservatoire d'abord. Même si on a des objectifs de recapitaliser dessus, la première démarche, c'est une approche conservatoire. Donc on pousse pas le processus aussi loin que Sébastien l'a évoqué, mais on travaille avec des experts. Alors aujourd'hui, on travaille essentiellement avec les musées. Le musée des tresses et lacets, donc, qui nous a permis de travailler sur la captation de certains gestes du tressage. Et on a également un partenariat avec le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, où là on travaille plutôt sur les métiers jacquard. Mais notre approche, c'est plutôt de travailler sur les savoir-faire anciens, puisqu'il n'est pas question pour nous, à travers cet outil, de mettre en concurrence avec K-Process, qui travaille directement avec des entreprises. Donc on est plutôt sur les savoir-faire traditionnels. La difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport à ça, l'outil est éprouvé puisqu'on a testé le résultat avec des novices, effectivement, et a priori ça marche plutôt bien. La difficulté qu'on a, c'est que aujourd'hui, quand on s'adresse à une entreprise qui détient un savoir-faire ancien, bah, ça suppose qu'elle va être aussi obligée de dégager du temps pour ce travail de captation. Même si derrière, nous, on leur met l'outil, le résultat à disposition. Et ça veut dire que ce temps-là, bah, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, c'est comment on valorise ce temps-là. Et donc, on est en train de réfléchir. Et c'est un constat qu'on a fait récemment, qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ. Et donc, on est en train d'imaginer comment on pourrait financer finalement l'entreprise sous une forme un petit peu indirecte, sous forme de mécénat de compétences, puisque le parc est maintenant reconnu comme... Il y a un rescrit fiscal qui nous autorise finalement à obtenir des services d'entreprise pour le bien public, on va dire. Donc on est en train de réfléchir à ces systèmes-là qui nous permettraient d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut faire avec les musées, même si c'est ce qu'on fait avec les musées est très intéressant. Mais du coup, on est un petit peu limité dans la plage de savoir-faire qu'on pourrait appliquer cet outil, en fait. Alors, avant qu'il y ait une concurrence avec K-Process, il va se passer un peu de temps parce que déjà on est juste 7. Et nous, notre principe, c'est de faire le transfert de compétences auprès de nos clients. Donc si après des entreprises du territoire souhaitent faire intervenir le parc et que vous trouvez un montage financier qui permette d'apporter votre concours à ces entreprises, go, quoi. Enfin, allez-y. On enregistre. Et un point qu'on n'a pas évoqué, c'est le coût. Cela a forcément un coût, non seulement oui. en termes de temps, mais aussi alors, sonnant et trébuchant. Oui, oui, tout à fait. Le coût, alors restera moindre. Enfin, si on reprend l'exemple tout à l'heure, enfin où là où Olivier faisait témoigner. On a le budget oui. en ce moment. Baptiste, il me confirme, j'allais dire de mémoire, mais sur la conservation du métier de gareur, donc sur le métier à tisser, c'est en cours avec Olivier au fond. Donc on a monté un programme de conservation, on n'est que sur le mode opératoire avec un peu de film. Là. Donc il y a un budget de 6 000, Baptiste, à peu près, c'est ça ? 5 400. Et la partie OPC, c'est-à-dire la partie que fait un petit peu que vous faites, vous, Sébastien, c'est-à-dire toute la partie filmée, c'est combien sur ce budget ? 1 600 quand même, ouais. Et là, c'est pour 4 journées, ce ne sera peut-être pas suffisant, ce budget. C'est vu comme ça. Et donc, voilà, ça vous donne à peu près une idée. Alors là, on a monté quelque chose avec la CMA et puis l'association des EPV. Donc, il y a une prise en charge, un taux différent selon la taille de l'entreprise. Mais donc, ça, c'est juste pour avoir le document, ce budget-là. Hein. Voilà. Alors, juste pour avancer aussi, juste sur cette question des moyens, alors les investissements nécessaires, mais si on pourrait faire peut-être un tour d'horizon, je ne sais pas, des aides existantes ou des moyens aussi en termes de labels que vous avez évoqués à de multiples reprises. On a évoqué EPV, patrimoine vivant, mais aussi manufacture de proximité, qui a été évoqué en tout début, qui vous concerne, hein, le musée d'art, musée des tresses et lacets, mais également la SCOP. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon ici, les présentations de ces... Oui, manufacture de proximité, ça concerne manufacture de tressage made by Bobine, la turbine créative qui est le tiers-lieu des nouveaux ateliers du Dorlet et la SCOP Fontanil, puisque voilà, tous les trois, on a eu ce label. Ce label, il consiste à une aide gouvernementale dans le cadre de France Relance 2030, avec une subvention sur 2 ans. Pour un montant approximatif de 250 000 euros. Voilà. Répartis sur les 2 années qui sont sur du fonctionnement et sur de l'investissement. Alors, par exemple, au tiers-lieu, la turbine créative, on utilise ce budget pour payer les salariés qui font tourner la turbine créative, qui propose à des enfants d'être sensibilisés sur le geste, notamment, qui propose au grand public de venir s'initier, qui propose à des professionnels des métiers d'art de venir se former, qui propose aussi un labo textile. C'est les nouveaux modèles dont je vous parle. C'est un Fab Lab, en fait, avec des machines mutualisées. Parce que c'est peut-être là aussi la clé de notre problématique. C'est les nouveaux modèles économiques. Donc, Philippe parlait de coopérative SCOP, oui. Avec quelque chose qui fonctionne bien chez eux. Les tiers-lieux, c'est aussi... ça peut être une coopérative. Enfin, nous, on est en mode associatif, mais on va peut-être devenir une coopérative. Et du coup, ça, c'est ce qui va pouvoir donner encore peut-être de l'élan à cette transmission des savoir-faire. En tout cas, nous, dans notre secteur métier d'art. Puis, si vous voulez vous compléter... Oui ou non, juste Emmanuel, sur l'aspect transmission et de ces nouveaux modèles, tiers-lieux, par exemple, que vous représentez. Donc, il y a ces expériences-là qui sont menées avec les labos que vous réalisez. C'est un véritable travail de transmission qui est fait dans une, je dirais, démarche presque do-it-yourself, comme on dit. C'est un peu fait par soi-même, où chacun avoir quasi accès. C'est pas forcément uniquement le do-it-yourself. Le do-it-yourself, ça, c'est une petite part... Mais qui, à mon sens, contribue à faire connaître ces métiers manuels et peut-être à amener des personnes à travailler dans ces secteurs. On a un pied dans l'usine. Et oui. Vraiment. C'est-à-dire que alors, vous, il y a un pied dans l'usine. Oui. Mais nous, il y a un pied dans l'usine. Toi, dans un sens, Emmanuel, quand tu commences à leur montrer comment on utilise un métier à tisser ou tu es brodeuse, c'est un pied dans l'usine. Parce que quelqu'un qui serait passé par chez toi... qui a déposé son CV en plus chez toi ou peut-être chez Jean Damien, qui vient avec ce CV et qui a passé 2-3 ans dans un atelier comme le Dorlet, comme ça, vous allez vous dire déjà le toucher du fil, on l'a. Et déjà, il y a une partie de l'intégration qui va être vachement aidée. Donc vous avez un pied dans l'usine. Et moi, je dirais que ces tiers-lieux, comme l'a dit Emmanuel, ça prend énormément de dimensions. C'est énormément, ça peut prendre des dimensions qui sont juste un peu festives, anecdotiques, loisirs, où des gens viennent passer une heure de temps en temps et je fais mon atelier broderie. Mais il y a des gens qui ont une vraie dimension et construction professionnelle et ils sont dans le même lieu, mélangés avec les mêmes personnes. C'est le côté hybride que tu disais tout à l'heure et qui est passionnant. Oui. C'est ces rencontres inattendues qui sont complètement nouvelles, où on décloisonne tout. Et c'est ça qui est nouveau dans ces choses. Et là, on est quand même dans cette démarche qu'on aborde depuis le début, ce qu'on aura dû conserver. Toi, Emmanuel, tu as dû faire un boulot, je suis sûr, avec ton associé, pour être capable de parler de ces métiers-là, qui sont les nôtres aussi, et d'être capable de faire cette transmission. Parce qu'en fait, vous faites comme nous, vous faites une transmission. C'est peut-être pas, on va peut-être nous un petit peu se faire boupoup, on est les plus beaux et c'est un autre niveau, mais m'empêche. Moi, je dirais qu'on est catalyseur, en fait. Ouais. Quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous pourriez aller très loin, en fait. On est catalyseur et on nourrit aussi pour peut-être après, justement, que les personnes aillent plus loin. Et ce que tu décris, moi, je trouve que voilà, cette hybridation, elle est là, juste là devant nous, en fait. Je voudrais rajouter, il y a une forte demande du grand public. Hein. Nous, on est passé par l'office du tourisme et en une semaine, c'était guichet plein. Hein. Pour venir rien que visiter l'entreprise. Ouais, visiter. Juste visiter. Et nous, ce qu'on fait, l'expérience qu'on a fait à Paris sur l'atelier de tressage, qui est un petit tiers-lieu, hein, qu'on a créé il y a quelques années grâce à une opportunité de la ville de Paris. Donc, on a créé un atelier à côté de la place des Vosges où, en fait, on propose aux gens de venir monter les métiers bois que vous avez là. Donc, on le fait demain. Hein. Donc, inscrivez-vous, vous n'êtes pas inscrit. Et les gens repartent avec leur cordon. Mais n'empêche qu'on va commencer à leur donner le geste, on va commencer à leur montrer. Donc, c'est sûr que cet atelier d'une heure, ça ne ferait pas un argument de recrutement pour nous par la suite. Mais quand nous, toi, peut-être tu le feras et moi, je vais le refaire dans le cadre de la manufacture de tressage, on le fera avec une personne qui a commencé à se passionner. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'on le fait à Paris. Je vais vous dire, il y a déjà une personne que j'ai recroisée qui a trouvé sur Internet un métier bois, qui l'a acheté. Donc vous voyez, ça crée des démarches. Ça crée des démarches qui peuvent rentrer dans le professionnel. Et alors, dans les pistes à explorer également, je me dis, dans ces nouveaux modèles peut-être économiques, est-ce qu'il y a des choses qui sont entreprises dans votre secteur qui finalement est assez, pas confidentiel, mais disons, c'est quoi, 70 entreprises qui ont un peu connaissance ou maîtrise du métier en France ? Quel métier ? Sur ces métiers. Ah, non, plus. Plus. Plus. Le métier de... Alors, tresseur métier bois, j'en ai bien. Ou alors tresser lacet, par exemple. Tressage. On est deux, là, tresser métier. Beaucoup, hein, là. Pas combien, t'en dirais ? Peut-être 70, 80 ? Oui, voilà. Donc je crois qu'on parle de 70, à peu près. Donc, c'est à peu près ça. Et je me dis, est-ce qu'il y a du travail... Métier dentelle, plus que deux, trois. Est-ce qu'il y a du travail collaboratif, ou peut-être mutualisé ? J'avais vu pour la valeur, par exemple, du coût d'une ouvrière spécialisée qui était de 6 200 €, je ne sais quoi. Donc c'est parfois difficile d'accès. Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir mutualiser, par exemple, des postes ? Nous, dans Manufacture Proximité, en fait, le but, ça serait de rendre accessible l'accès aux métiers industriels, métiers fuseaux. De passer aussi par un laboratoire, je dirais, où il y a une formation, donc ludique. Hein. Mais aussi derrière, c'est peut-être rien à voir avec votre question, mais derrière, il y a quand même aussi une dimension, c'est-à-dire que nous, on a un métier. Lorsqu'on va avoir de la demande, il va y avoir des gens qui vont se présenter, qui vont... Donc c'est là que ça se complique, parce que nous, on l'a vu quand on a fait visiter... récemment l'entreprise, eh ben, on n'a pas que ça à faire. Hein. Bon, voilà. Donc là aussi, il faut trouver des moyens, il faut trouver des personnes qui vont s'occuper de ça, qui vont faire tourner ça. Quoi. Voilà, donc c'est peut-être là qu'on pourrait mutualiser. C'est sans lieu labellisé, nous sommes trois là. Je pense qu'il n'y en a pas un qui a une vision claire de l'équilibre financier dans les 10 ans à venir. Hein. On est tous un enjeu qui est sur cette nouvelle économie absolument pas résolu. Donc je pense qu'il y a un enjeu terrible parce que tous ces Fab Labs, ces laboratoires, ces séances de loisirs créatifs qu'on fera, ateliers, enfin donc plus des petites ventes de goodies, de la petite restauration, tout ce que vous voulez, ne permettra pas de payer 2-3 salaires, parce que c'est bien ce qu'il faudra pour qu'un tiers-lieu commence à exister. Exactement. Et que ça ne pourra exister que s'il y a autre chose. Alors après, on va aller chercher du public ou parapublic. Nous, on pense par exemple sur notre tiers-lieu à rouvrir un CQP de formation à nos métiers, hein, tous les trois ici, hein, nous sommes trois. Voilà, on pense que avec l'aide de la CCI, la région est derrière nous, donc on pense qu'on pourrait. Ça, c'est une idée. Autrement, faut aller chercher un truc que les politiques n'aiment pas du tout, c'est-à-dire la bonne vieille subvention. Voilà. Oui, qu'on n'aime pas trop non plus, parce que c'est pas toujours très sain de vivre de ça. Si faut se projeter dans les décennies à venir, c'est en effet difficile. Ouais. Et justement, enfin, sur les moyens accessibles pour les entreprises, il y en a plusieurs. Donc il y a effectivement les subventions. Il y a beaucoup de régions qui subventionnent la digitalisation, les programmes de digitalisation des process. Il y a certaines régions là, comme la région Réunion, c'est 50% de subventions à la fois sur le matériel, le logiciel et les prestations d'accompagnement. Autre moyen également directement accessible, la formation justement. Calliope, c'est un levier qu'on utilise et qu'on propose justement à nos clients. On est Calliope, certifié Calliope, donc du coup quand un client souhaite se tester par rapport à cette démarche qui paraît quand même ambitieuse autour de la vidéo, il faut filmer un expert, puis après il faut mobiliser un novice, comment ça va se passer, est-ce que ça va être bien accueilli, les histoires de droit à l'image, le RGPD, enfin il y a tout ça, enfin il y a tout ce bruit de fond qui encourage ceux qui n'ont pas trop envie de progresser. Il y a toujours une réticence. Et puis il y a les coûts que vous évoquiez, Olivier, sur le déploiement. Tout ça peut être pris en charge, enfin dans le cadre d'un programme de formation. Et du coup, nous, on propose toujours à nos clients, de se former sans acheter de logiciel ou de caméra. On fournit tout ça. Et c'est seulement une fois qu'ils ont pu avoir accès à l'ensemble de la démarche et qu'ils ont pu tester cette démarche qui pourront effectivement embrayer pour la suite sous forme après de subventions ou de choses comme ça. Et dernier point aussi, c'est la mutualisation entre entreprises. Ce que je vous encourage à faire avec le parc du Pilat, développer une compétence de vidéo analyste, parce que en fait c'est un métier que l'on a créé ce métier de vidéo analyste. Mutualiser un vidéo analyste ou une vidéo analyste entre plusieurs entreprises, c'est évidemment la bonne solution. Les grands groupes, c'est pour lesquels on travaille, font ça, même si ce sont des grands groupes, certains sont juste une constellation de PME avec parfois une trentaine, cinquantaine de personnes en production sur site et avec des productions complètement différentes d'un site à l'autre. Donc quelque part, vous êtes à armes égales par rapport à des gens comme ça en termes de moyens. Et eux, ce qu'ils font, au niveau groupe, ils mettent des moyens et qui peuvent après répartir et qui sont répartis en termes de coûts par structure. Et là, ça devient complètement accessible. Merci pour ce dernier point, qui sera peut-être le dernier point d'ailleurs de ce temps d'échange ici en tribune ou presque. On va laisser la place aux questions en salle, justement, pour continuer à rentrer dans ce sujet. Vous avez une question ? Oui, ça fait un petit moment. Vous avez évoqué au départ la notion des prix et la difficulté de former les gens par rapport aux prix qui sont praticables par le concurrence internationale et autres. Comment s'évolue cette dynamique aujourd'hui ? Est-ce qu'on a peut-être de l'espoir à ce que vous ayez besoin de moins de subventions par rapport au prix que vous pouvez faire ou pas ? Parce que l'avenir de la guerre, c'est que vous puissiez être autonome et pas avoir besoin de subventions. Je pense que vous êtes comme dans l'agriculture, c'est exactement la même chose. On a des métiers comme l'arboriculture, il n'y a pas d'école de formation d'arboriculture en France. C'est quand même bizarre avec tous les fruitiers qu'on a. Donc voilà, donc il y a toujours ce problème-là et... Les métiers concernés n'ont pas les moyens à cause des prix pratiqués pour se former, quoi. Et je crois que c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans les 20 dernières années un peu, pourquoi il n'y a plus de formation, etc. Donc j'aimerais que vous me précisiez un peu quelle est cette direction dans laquelle on va, parce que c'est le nerf de la guerre, quoi. Alors il y a deux, je vais vous donner deux réponses, une pour SCF et une pour ce projet futur qu'on a déjà un petit peu partagé sur les manufactures de proximité. Alors pour SCF, on n'a pas de subvention, un industriel comme nous. On a un système qui est assez simple, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on facture à nos clients qui rentrent et nos coûts. Nos coûts qui sont principalement salariés, l'achat du fil et puis les coûts fixes. Donc on a, nous, et c'est une réponse du coup que je vais vous donner qui est assez personnelle, on a eu une stratégie de développement de la société qui est allée sur des marchés, soit qui étaient des marchés de niche sur du très haut de gamme ou des marchés de niche très techniques. Et d'ailleurs, quand on voit Forissier tout à l'heure, peut-être on pourra passer la parole, on ne lui a pas donné la parole à Jean-Damien, il pourrait peut-être vous répondre là-dessus. Mais nous, pour survivre avec nos coûts face à une concurrence internationale, il faut soit aller sur des niches, soit sur une hyper-technologie et un pas d'avant tout le temps, qui fait qu'on aura un gain de productivité tout le temps en avance. Donc si je reviens concrètement pour nous, le choix a été sur la mode et le luxe. On a appris à faire un caméléon, c'est-à-dire pour un industriel, partir de 10 000 références, faites sur mesure ce que veut l'industriel, sans minimum et rapidement. On a mis 4 ans à savoir le pricer, on a fait 10 ans de lead management pour structurer l'usine pour être capable de le faire. Où on a eu des subventions, c'est sur des projets. C'est-à-dire que quand on a eu des consultants, des choses comme ça, la région nous payait un bout de consultant, nous payait un cabinet de ci, de ça. Mais sur l'opérationnel, une fois de plus, notre compte d'exploitation est en perte et qu'on a bouffé toutes nos réserves, ben on capote. Et ça, il n'y a pas de système. Hein. C'est même pratiquement dans la loi et protégé par l'Europe pour la saine concurrence. Donc, en tant que textilien, si on est encore là, tous les trois, je le dis pour eux plus que pour moi, c'est qu'ils sont bons. C'est tout. C'est qu'ils ont un truc en plus et qui font que on n'en a rien à foutre des Chinois et tout ça. Mais on est bon et c'est tout. Et donc, pour vous donner je vais vous donner juste un chiffre. Le chiffre d'affaires record de la Scholtez, historique, c'est pas en 2000, c'est pas en 98, c'est pas en 67, c'est l'année dernière, avec une très bonne rentabilité. Pareil, pareil voilà. Pour nous. Hein. Voilà. Bon, pour les tiers-lieux, je vous ai répondu tout à l'heure. Donc, si vous êtes politique, allez voir Emmanuel, parce que moi, ça sert à rien, je suis trop loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages aussi, justement, puisque la perche a été lancée? Alors, moi, j'ai entendu des choses très, très intéressantes. Oui, Jean-Damien Gauthier, pardon, je suis le dirigeant du groupe Gauthier. On a 6 entreprises de production sur Saint-Chamond et sur le bassin ambertois. Et on est principalement tresseurs. Alors c'est très intéressant aussi cette idée de transmission de savoir-faire, parce que, comme le disait Olivier, les entreprises avant, chaque tresseur n'ouvrait pas ses portes et avait ses propres secrets. En définitive, les secrets étaient un peu plus ou moins les mêmes dans chacune des boutiques, mais enfin, en tout cas, on ne se les partageait pas. Mais par exemple, je vois là ce que je viens de voir sur le diaporama où on... je vois la personne enlever le fuseau pour changer la canette. Moi, j'ai jamais vu ça dans mon usine. Donc, il y a vraiment des savoir-faire qui sont très spécifiques à chacune des sociétés. Comme le disait très bien également Philippe, on a des niches où on, pour nous, ça va être les métiers bois. Pour vous, c'est la dentelle mécanique. On a une personne qui est détentrice du savoir-faire, deux personnes qui sont détentrices du savoir-faire. Ce sont des unités qui ne sont absolument pas rentables. Enfin, pour autant, on les maintient évidemment, hein, mais on les maintient presque, j'allais dire, plus dans un aspect marketing et dans un aspect de préservation de savoir-faire, plus que de véritable nécessité industrielle de la conservation du savoir-faire. C'est-à-dire que si moi je ferme demain mon atelier de métier bois, ça ne va pas faire un trou dans mon chiffre d'affaires. Je pense que c'est un petit peu pareil pour Fontanille. Voilà, donc c'est... j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. Et la vidéo, je pense que ça c'est quelque chose qui va aussi faire son chemin dans ma tête, parce qu'il y a très vraisemblablement quelque chose qui doit être mis en place, et vraisemblablement aussi par de la mutualisation entre entreprises, très certainement. Et alors pour compléter ce que dit, effectivement, il y a des savoir-faire qui peuvent être marketing. Alors nous, c'est la dentelle, typiquement. Alors les métiers bois, c'est peut-être la quantité, les différentes possibilités, de la chance. C'est une vraie activité pour nous, économiquement, vraiment viable. Donc, ils ont migré, hein, parce qu'ils sont allés du sud au nord. Ils sont donc à Cholet, hein, mais ils sont d'ici tous. C'était des métiers des Manus. Hein. On en a un peu plus de 1100. Et c'est une activité... Alors, indéniablement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Jean-Damien, c'est un côté marketing. Hein. Mais nous, c'est une vraie activité qui est rentable et qui fait un gros chiffre d'affaires. Ça nous surprend même, tel point qu'il y a même des marchés où c'est pas forcément du très haut de gamme. Ce qui nous a plus surpris, c'est la beauté, certains produits qui ne savent qu'on a... Ces métiers ont été développés en métiers rapides, hein, ce qui les a fait disparaître, fait tomber cette industrie à Saint-Chamond, pas entièrement, parce qu'il reste des tresseurs, mais beaucoup de ces usines ont fermé. mais tous les métiers n'ont pas été redéveloppés en métier rapide. Donc on a des métiers qui n'existent pas en métier rapide. Et donc on fait couramment des produits avec des grosses quantités, on est dans des 50 000, 100 000 mètres à 5 mètres heure, donc on met beaucoup de métiers sur rang pour pouvoir être capable de faire ces grosses commandes qui sont bien pricées, enfin bien facturées, hein, et sur lesquelles on gagne bien notre vie, avec des machines 1830-1900. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Oui. Pour Philippe, je voulais savoir combien de salariés vous étiez et combien de coopérants vous étiez, si c'était tous ou pas. Avant la SCOP ou... Non, bah, la SCOP, combien... 45. Et tout le monde est coopérant dans votre société ? Tout le monde est sociétaire et dans les statuts. C'est statutaire, en fait. C'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un en CDI, il a 2 ans pour faire un chèque, en fait. C'est ça, en gros, à la SCOP, pour devenir sociétaire. Ouais. Enfin, pour l'instant, non, puisqu'on a embauché 6 personnes l'année dernière. Elles sont pas encore devenues sociétaires, mais elles le deviendront forcément. Parce que, si vous voulez, au bout de 2 ans, si la personne ne devient pas sociétaire, eh ben, elle quitte la société. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Est-ce que ce serait pas une solution pour vous, Olivier, de garder... Alors, ça pourrait être, hein. Moi, je réfléchis beaucoup. On a eu des années un peu plus compliquées. Maintenant qu'on a des résultats, je réfléchis beaucoup à des outils d'intéressement et de participation. De toute façon, ça va devenir obligatoire. Mais avant que ce soit obligatoire, je trouve que c'est un magnifique outil de répartir la marge dégagée. Et ça, c'est un chantier pas très compliqué maintenant, hein, parce qu'il y a énormément de choses de fait et que ça devient très simple de le mettre en place. Et c'est quelque chose qu'on mettra en place assez rapidement. Alors après, transformer complètement en SCOP, Philippe pourra en parler mieux que moi, mais c'est pas que statutaire, c'est toute une histoire de mentalité. D'ailleurs, il l'a dit, c'est la première chose qu'il a dit. Je pense pas que ce soit quelque chose d'inatteignable. Alors évidemment, c'est une décision du dirigeant, parce que quand vous passez en SCOP, ben, vous n'êtes plus l'actionnaire majoritaire. Du coup, vous n'êtes plus en participatif. Mais est-ce qu'on peut encore diriger, avec les mentalités qu'on a maintenant, une boîte sans être participatif ? Enfin, nous, tout ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé, nous, le point 30. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez 2 de mes 4, ils sont 5. Je ne prends plus aucune décision tout seul. On a 2 réunions d'une demi-heure le mardi et le jeudi, avec des indicateurs. On est debout avec un outil de partage d'action qui s'appelle Trello. Et donc, on est sur du numérique, du coup. Et toutes les décisions sont prises là. Là, par exemple, on fait bosser un jeune sur un projet d'autonomie électrique. Le sujet n'est pas décidé. Il y a un dossier qui va être présenté. Et je ne sais pas ce qui sera décidé. Donc, tout est décidé, tout est partagé le plus possible. Le frein à ça, et ça peut-être que tu le confirmeras, c'est que plus vous allez donner d'autonomie aux gens, plus vous allez leur demander de devenir autonomes pour prendre des décisions. Et beaucoup de gens n'aiment pas prendre des décisions. Et que du coup... ce statut demande une mentalité, comme il me disait, qui est une mentalité qu'on ne trouve pas chez beaucoup de gens. Parce qu'il faut qu'ils se mettent en risque, il faut qu'ils se risquent de prendre des baffes, parce que du coup, il n'y a plus que Dieu sur Terre, le patron de ça et ça, dans sa petite dictature, qui décide tout, qui se prend toutes les baffes s'il faut et qui est le seul à assumer ça. Là, c'est vraiment quelque chose de partagé. Et tout le monde n'est pas prêt à le faire. C'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Bon, nous, avant de... on est en SCOP parce qu'on est arrivé avec l'ancienne société à la liquidation, c'est-à-dire qu'on était au bout du bout. On avait eu une multitude de redressements judiciaires en redressement judiciaire, puis après on a été au mur, c'est-à-dire liquidation, c'est-à-dire tous licenciés. À partir de là, on devient créateur d'entreprise quand on a monté la SCOP. Et là, on a bénéficié de ce qu'on appelle l'ARS. Hein, c'est donc ceux qui avaient moins de 50 ans, ils avaient 2 ans de chômage. Voilà, et ceux qui avaient plus de 50 ans, c'était 3 ans. Donc c'était des sommes qui étaient conséquentes. Hein. On a, à 45, on a mis 1 million d'euros, vous voyez. En plus, on a injecté notre prime de licenciement, comme on avait 20 ans d'ancienneté à peu près, tous, 15-20 ans. Donc on avait des primes qui n'étaient pas négligeables. Donc voilà, ça, on a amené tout cet argent. Mais c'est vrai que si ça n'avait pas marché, mettons au bout de 6 mois ou un an, si ça capote, ben, vous n'avez pas de chômage derrière. Donc il y avait le risque de ça aussi. Et on était, dans l'ancienne entreprise, on était 80. Et sur 80, il y en a 45 qui sont partis. Donc c'est là qu'on voit que c'est tranché, hein, les mentalités. Là, on a vu tout de suite, on avait peur. Parce que nous, quand on a monté le projet, en fait, on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on fasse un tri. Parce qu'il n'y a pas de la place pour 80 personnes. On avait été voir les clients, il n'y avait pas un chiffre d'affaires pour 80. Et ça, on l'appréhendait beaucoup. Mais ça s'est fait naturellement. Hein. Naturellement, parce qu'il y a des gens qui ne concevaient pas ce mode de gestion et puis qui ne concevaient pas de mettre de l'argent et ainsi de suite. Quoi. Voilà. 45 quand même. Ouais. Jean Mazoni, je m'intéresse beaucoup au textile, entre autres. D'une manière générale, je suis à la retraite et donc c'est mon passe-temps favori. Moi, oublié un peu. Je voulais poser la question suivante. Là, vous avez parlé quand même de quantités assez importantes de production de certaines dresses, si j'ai bien retenu. C'est des quantités qui partent sur le marché français ou sur le marché exportation? On peut peut-être répondre même tous les trois, si je pourrais s'y répondre, j'en ai bien. Alors pour nous, on fait un gros 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 23 millions de mètres par an, donc c'est plusieurs fois le tour de la Terre, sur quatre métiers, tisseur, tresseur, tricoteur et dentelier. Le dentelier, c'est négligeable, comme je vous disais, et on exporte plus de 35%. Donc une grosse partie de cet export est souvent, ce que j'ai dit en rigolant, un faux export. Dans le sens, ce sont des gros donneurs d'ordre qui vont nous imposer à leurs fabricants. Notamment, on fournit des usines de marques de luxe, on peut le dire, hein, parisiennes, vous les connaissez toutes, pour leur fabrication de chaussures. Il faut savoir que sur la chaussure, si vous avez trois grands produits dans le luxe, hein, la chaussure, tout ce qui est le vêtement, et puis le sac, la maroquinerie, autrement dit, la chaussure, il n'y a plus de belle de match, il n'y a plus de discussion. Il n'y a même pas un, il n'y a même pas 0,1, il y a 0 pointé des grandes marques parisiennes qui fabriquent en France. Tout est italien. Donc certains, des grandes marques très connues, nous imposent à leurs usines italiennes. Autre chose, c'est que il y a un très bon vin dans notre région qui s'appelle le Savenière, qui est un blanc. Je pense qu'on a dû en boire un peu trop un soir avec Guy. Et il m'a dit, t'as tout à la maison, tu vas refaire le lacet, comme on dit, le sang. C'est en 2013, je suis allé à Northampton, voir Crockett & John, Church, etc. Et ça nous fait un marché énorme. On refait le lacet, comme en 1900, quatre fois plus cher que le lacet normal. Beaucoup plus solide, on dirait un bout de cuir à cause du glaçage, c'est du métier bois, donc le grain fait un fin très très fin. Donc voilà des marchés, alors là c'est du vrai export par exemple. Donc après, bah, nous on a des marchés qui peuvent être, on fait 150 commandes de quelques mètres par semaine à côté des commandes de production. Oui. Donc c'est caméléon complet. Mais une fois de plus, si on veut rester en France, il faut d'avoir un bon produit, ne suffit pas. Il faut avoir un bon service et il faut avoir une très bonne organisation. Toujours un coup d'avance par rapport à des concurrents étrangers. Ce qu'on a très bien vu ce matin. Je laisse les deux confrères parler. La flexibilité, c'est la vraiment flexibilité. D'où la polyvalence. Je reviens là-dessus. Si on a l'usine de tressage débordée, ben on bouge des gens, des métiers bois au tressage et inversement. Là, il y a eu des grosses commandes sur les métiers bois. Notamment, là, on a eu une tresse laine. Il faut remonter le métier toutes les 50 mètres. Donc, c'est infernal. Faut du monde. Et puis, si en même temps, il y a un brodeur de luxe qui nous passe 20 000 mètres de sous-tâche, faut du monde. Et puis, qu'en même temps, les Anglais tirent. Bon, voilà. Et puis, quelquefois, c'est le tricot qui déborde. Quelquefois, c'est l'atelier de finition. Puis, on a des aléas. On peut avoir des gens absents, hein, des gens malades, etc. Donc, faut toujours tourner. Et cette polyvalence, donc l'utilisation de cette conservation, puis transmission du savoir-faire, est salvateur pour nous. Parce que ça va donner cette flexibilité, comme tu dis, et qui est extrêmement importante et compliquée à mettre en place, parce que quand on crée une flexibilité sur des savoir-faire multiples et que chacun, c'est plusieurs mois, voire années de formation, bah vous imaginez que la femme ou l'homme qui a des années chez nous et qui a été formé à plusieurs savoir-faire, bah c'est une personne qui vaut des milliards. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est un enjeu qui se retrouve vraiment partout, enfin, pas que dans le textile. Arriver à travailler de manière flexible et pouvoir répondre à la demande client finale, s'adapter vraiment pour réduire toujours les stocks, les encours, les choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un leitmotiv qu'on retrouve partout. Et... Alors, je suis d'accord avec toi, Olivier. C'est quand tu disais tout à l'heure l'hypertechnologie, c'est en fait, nous, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours avoir un cran d'avance et toujours être dans la recherche de nouveautés. Hein, nous, bon, on a le CIR, on va chercher le CIR, hein, comme je pense beaucoup d'entre nous. Crédit d'impôt recherche. Et là, c'est quand même des choses. Nous, on a appris à nos salariés, le crédit d'impôt recherche, c'est en fait quelque chose qui est, pour eux, qui est revalorisant, hein, puisqu'on revalorise leur travail et ça les motive, en fait. Et c'est sûr que quand on fait un produit et que chaque année, c'est vrai qu'on bosse sur des projets qui n'aboutissent pas toujours, mais ça nous apprend beaucoup, et on est plus performant, on fait des produits encore plus compliqués, tout ça pour être moins concurrentiable et plus désirable vis-à-vis de nos clients. Et puis, comme tu le disais, il faut être aussi qualité parfaite. Il faut prendre soin de nos clients. Il faut montrer que voilà qu'on est bon, quoi, qu'on est excellent. Et part d'export pour vous? 25%. 25%. Et vous, des produits très techniques, par contre, désormais, sur des choses. C'est hyper... très technique le haut de bas, oui, parce qu'en fait, un bas de contention, c'est le retour veineux, en fait. Et si vous faites tenir ce bas avec un élastique qui fait garrot, vous êtes à l'inverse de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que le bas, il faut qu'il... Non, mais ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est qu'en fait, le bas, qui a normalement et qui doit faire du retour veineux, il ne faut pas qu'on le bloque en haut. Et donc, il faut que le bas, il tienne sans serrer. Donc, c'est là qu'on est fort, qu'on a une grosse expérience, en fait, chez Fontanille. Moi, je voulais revenir sur la transmission des savoir-faire, donc par l'enregistrement et l'analyse de ce travail. Alors, vous avez donné un nom à une personne, justement, qui est capable de faire l'analyse, mais je n'ai pas retenu. Ah, on parle d'un métier de vidéo-analyste. De vidéo ? Vidéo-analyste. Analyste, là, c'est ça, vidéo-analyste. Donc, c'est là, peut-être, où il y aurait moyen de concentrer des efforts pour investir dans ce travail-là. Hein, je crois que vous aviez ça derrière en idée, quoi, quand vous avez parlé de ça, parce que c'est primordial, et puis c'est transposable à beaucoup d'industries, finalement. Oui, c'est là, en l'occurrence, on a créé une fiche de poste correspondant à ce métier avec un très gros client américain qui est dans l'agroalimentaire. Ouais. Parce que justement, il avait fait le constat que... parce que l'idée d'utiliser la vidéo, enfin, c'est pas nouveau. Moi, j'ai commencé en 94 à utiliser de la vidéo. Bon, à l'époque, on payait la pellicule. Donc, l'idée d'utiliser une caméra était utilisée au départ pour faire surtout des chrono-analyses, pour pouvoir mesurer les temps dans des modes opératoires. Très peu pour faire de l'ergonomie. Nous, on a pu utiliser ça derrière pour faire justement... exploiter la vidéo en effet miroir, que les gens qui ont été filmés se voient faire et prennent conscience. Notamment, on a beaucoup d'applications sur tout ce qui est analyse des risques professionnels. Si on veut convaincre quelqu'un qui prend un risque, autant qu'il se voit faire pour se rendre compte effectivement de cette réalité, toujours le même principe de réalité. Nous, notre démarche s'appuie sur le premier principe qu'on met en œuvre, c'est l'ergonomie. Le travail se décompose en trois dimensions. Il y a le prescrit, la théorie, ce qu'on est censé faire. La deuxième, c'est le décrit, ce qu'on pense faire, notre ressenti. Et souvent, malheureusement, enfin, les échanges qui se font entre experts se concentrent autour du ressenti qui, quelquefois, n'est pas ancré complètement dans le réel. Et c'est ce qui fait que tout ce travail de fond qui a été fait va échouer parce que pas réellement applicable sur le terrain. La troisième dimension étant, bien entendu, le réel. Et donc, nous, l'enjeu avec la vidéo, c'est d'inviter le réel auprès des experts métiers pour qu'ils prennent conscience de comment ça se passe vraiment et qu'on puisse en sortir, du coup, un prescrit qui soit lui aussi inscrit dans le réel. Le principe de base, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de permettre à nos clients de partager une vision commune de leur réalité. Commune, on est dans le cadre de démarches participatives. Si vous donnez une vidéo d'un expert à quelqu'un, ça ne marche pas. Vous pouvez filmer un expert, vous donnez la vidéo à quelqu'un, il sera incapable de reproduire le geste, pourtant on a la vidéo. Donc ce n'est pas suffisant. Il y a besoin d'une explicitation. Donc c'est pour ça qu'il y a cette méthodologie d'enseignement explicite pour rendre visible l'invisible dans ce travail de fond qui reste à faire. Il n'y a aucune intelligence artificielle, il n'y a aucune automatisation. Faut mouiller le maillot, quoi. Voilà. Oui, pour revenir sur la partie activité, alors effectivement, on fait nos vieilles entreprises textiles, on fait le grand écart hein, entre le produit hyper textile, hyper basique, hyper ancien et des produits à très haute technicité, valeur ajoutée aussi, mais à très haute technicité. Donc effectivement, on a su, au cours de ces années, évoluer sur des marchés qui ne sont pas nos marchés d'origine. Et puis c'est vrai qu'on est aussi dans une dynamique aujourd'hui économique avec le Made in France qui revient sur le devant de la scène, qu'on n'a pas connu avant. Et je pense que le fait qu'on n'ait pas connu ça, aussi bien Olivier, nous on est une génération qui a pris un peu la fin des quotas chinois en pleine poire dans les années 2000. Moi, j'ai aussi coutume de dire que j'ai pas véritablement de concurrents en France. C'est-à-dire que j'ai des confrères. Il n'y a pas de guerre malsaine entre le tissu industriel qui avait été quand même industriel textile, qui avait quand même pris une plus qu'une grosse calotte. Et je pense qu'on a aussi eu toute cette intelligence, pas forcément dite, hein, mais plutôt tacite. De pas aller s'attaquer sur des prix et sur voilà et de, aujourd'hui il y a un tissu industriel qui textile qui est resté et qui fait qu'aujourd'hui il y a peut-être sans doute un marché qui renaît grâce à ce tissu là. Pardon, Josiane Franc, j'étais directrice des relations internationales à la Cité du Design pendant 30 ans et voilà, donc j'ai dirigé le programme Human Cities Challenging the City Scale et je suis impliquée avec l'équipe de la Cité du Design dans Smoothies, là, le programme européen qui s'intéresse, qui a pris comme objectif, de, puisqu'on va parler de la créativité dans les territoires isolés, et donc nous avons choisi comme territoire la vallée du Dorlet et Sainte-Croix-en-Jarret comme lieu d'expérimentation avec des créateurs. Donc moi j'ai une petite question par rapport à vous messieurs les industriels, puisque c'est effectivement passionnant de voir que la France se maintient à un bon niveau sur ses métiers, sur ses savoir-faire rares et très très ambitieux. Est-ce que vous avez quand même des relations avec... parce que la crise industrielle textile, elle est européenne, elle n'est pas seulement française. Hein. Dans les années 90, nous, nos collègues, qu'ils soient anglais, écossais et tout ça, enfin bon, tous ces grands lieux qui ont fabriqué du textile, ils ont aussi périclité. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quand même des liens avec eux? Je me souviens avoir visité plusieurs musées du textile en Hollande ou en Belgique qui se posent aussi les questions de comment se repositionner par rapport aux créateurs, aux artisans et aux industries qui restent en place. Donc je voulais savoir si vous avez aussi cette synergie européenne, puisque c'est OK, Made in France, je suis d'accord, oui, on est... Finalement, on est heureux d'entendre que vos meilleurs scores sont l'année dernière, en fait, financiers, tant mieux, donc ça marche. Mais est-ce que le Made in Europe... C'est nos principaux concurrents, en fait. Comment ? Sur les marchés du luxe, c'est nos principaux concurrents. Enfin, pour nous, la concurrence italienne est beaucoup plus embêtante. Alors, évidemment, pas française, Jean-Damien l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un gentleman agreement, mais la localisation de la production du luxe, beaucoup en Italie, hein, je vous disais qu'il n'y a pas de balle de match pour la chaussure. Pour la maroquinerie, beaucoup des grandes maisons parisiennes sont natifs du cuir, donc du sac, donc ont leur propre outil en face, donc c'est une balle de match française plutôt. Et pour le vêtement, c'est 50-50. Hein. Les tissus sont plutôt italiens, les façonniers sont encore très français. Hein. Rien que dans l'Ouest, autour de chez nous, on a 15 000 emplois sur des gens qui ne vendent que de la main-d'œuvre, puisqu'ils sont façonniers, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les tissus et qui montent les vêtements pour ces grandes maisons de luxe. Bon, donc cette concurrence, elle est plus... européenne en réalité qu'extérieure, vu les niches sur lesquelles on s'est mis. Bon. Même si nous, on a 10% de notre chiffre d'affaires en Asie, mais on a imposé par un fabricant français dans le sport et qui nous fait tout envoyer en Asie sur un produit très technique, particulier, sur lequel on a un monopole. Je me suis toujours dit que ça ne devrait pas durer et on n'a que des signes de confiance de cette grande marque qui fait que ce marché se consolide et grandit. On a encore dû racheter des machines. Enfin voilà. Donc il y a des contradictions à ce qu'on pourrait trouver logique, vous voyez. Alors après, coopération. Alors il y a beaucoup d'initiatives sur des niches. Alors, je vous donne quelques exemples. Le collectif tricolore vise à recréer toute la filière industrielle de production de la laine en France, donc du fil de laine, hein, puisqu'actuellement, le berger, si vous voulez, lui, la, ça lui coûte de l'argent pour tondre son mouton, et donc la laine n'est pas valorisée. Donc on est allé passer 2 jours à Brighton, en Grande-Bretagne, pour comprendre comment il faisait. On est allé en Belgique il y a quelques semaines. Donc avec ce collectif, on travaille effectivement pour comprendre au niveau européen comment ils sont organisés. Ils nous ouvrent les portes et très sympathiquement, ils nous expliquent, tout en remarquant un paradoxe, hein, les Anglais sont très développés. Ils ont classé 40 de types de laine. 7 sont le highest level, c'est-à-dire vraiment les 7 laines les plus gros, haut qualité. Et sur ces 7... 4 sont de moutons françaises. Donc vous voyez la catastrophe industrielle derrière, qu'on n'est plus capable d'avoir une filière industrielle. Donc, et pourtant, ils ont ouvert les portes. Un autre exemple, la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre, fait un énorme travail, si vous voulez, de comparaison entre nous tous. Bon, après, il y a quelques initiatives. Nous, on a été dans l'R3i Lab, on s'est baladé dans des clusters d'innovation à droite à gauche. C'était intéressant, ça passe à amener de grandes idées. Le nombre d'usines textiles par rapport à l'Italie en France, est microscopique. Dans le moindre village, il y a une usine textile en Italie. Hein. L'Allemagne, c'est beaucoup plus technique que nous, il y a beaucoup moins de mode. L'Espagne, il reste beaucoup de choses aussi. Le Portugal est en vraie montée en charge. Donc, on n'est pas seul. Il y a une concurrence européenne. Il y a déniablement quelque chose de coopération au niveau européen. On n'en est pas là, je pense pas. À grande échelle, toujours. Je suis d'accord avec toi, ouais. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces échanges, la richesse même de ce contenu. On va devoir laisser place, précisément je crois, à Caprocès qui a prévu un petit atelier dans ce même espace pour un peu faire découvrir et puis pouvoir échanger de façon informelle de toute façon après ce petit temps d'échange. Merci beaucoup à tous et toutes. Et voilà pour cette table ronde captation et conservation des savoir-faire qui intervenait vendredi après-midi, ce vendredi 2 juin, une journée professionnelle dédiée aux industriels du textile, TPE, PME du secteur, artisans, créateurs, designers, étudiants des écoles d'art, de design, d'art appliqué, dans le cadre de Tresse Alors, un événement, première édition du genre, hein, qui se déroulait dans le Dorlay, à la terrasse sur Dorlay, au musée des Tresses et Lacets précisément, sur lesquels nous étions situés pour réaliser ce plateau et cette table ronde. 2 journées de rencontres, table ronde certes, échanges, mais aussi visites et ateliers d'exposition et puis ateliers de pratique. Toute la journée, tout public de ce samedi passé 3 juin. Un événement qui a été mis en place par le musée atelier La Maison des Tresses et Lacets de la terrasse sur Dorlay, que je vous recommande chaudement à visiter. Il ne s'agit pas que de lieux comme ça poussiéreux, relatant une histoire passée et ancienne en manque d'intérêt. Bien au contraire, un secteur d'activité intense, véritable vitalité en effet du secteur du tressage et puis excellence d'un savoir-faire surtout qui voilà, fait l'identité aussi de ce territoire de la vallée du Dorlay, mais aussi et bien au-delà du territoire ligérien, véritable excellence en effet de ce savoir-faire pour ces entreprises, SCOP, vous l'avez entendu, qui ont participé à ce plateau, qui travaillent avec des machines dites rapides, donc plutôt modernes, mais aussi et bien un gros volume de métiers, comme l'on dit dans le métier, c'est-à-dire des outils très anciens qui nécessitent ce savoir-faire très spécifique. Il n'y a pas de formation dédiée, vous l'avez entendu, c'est un savoir-faire traditionnel, ancien, rare, méconnu, peu médiatisé, et pas de formation dédiée, comme je le disais, et pourtant si précieux pour la pérennité du secteur, des outils faits en bois, centenaires d'âge pour bon nombre d'entre eux, qui sont absolument magnifiques et nécessaires pour réaliser bien ce tressage, ces lacets, que l'on trouve véritablement dans toute la vie quotidienne, des rencontres, conférences en tout cas plutôt du samedi matin ouvertes au public également, en témoignaient de la présence du tissage dans nos vies et sous de multiples formes. Ce peut être pour des cordons de capuche, des câbles électriques, des cordes d'escalade, de bateaux, pour la santé, le secteur sanitaire en effet, la passementerie, les câbles de pêche et j'en passe. 70 entreprises qui maîtrisent ce métier en France et certains, eh bien voilà, ayant un ancrage fort dans la région et Saint-Chamond, capitale mondiale, vous l'avez entendu, du tressage depuis de longues années. Un événement donc Mise en place par ce musée atelier de la Maison des Tresses et Lacets, deux tiers lieux, la Turbine Créative et les nouveaux ateliers du Dorlay, la manufacture de tressage et Made by Bobine. Et puis une exposition, comme je le présentais aussi en ouverture de programme et que l'on va rappeler, car cet événement et le lieu même tissent finalement aussi relations entre entreprises, création textile et artistique, pour voilà aussi préserver ces savoir-faire et les valoriser. Alors précisément, une exposition qui a été mise en place et ouverte au public depuis le 6 mai dernier et qui sera visible jusqu'au 1er octobre prochain, avec l'artiste Eva Prémilleux et le collectif FU pour Fil Utile, qui ont donné naissance à des œuvres magnifiques et véritablement singulières, des créations qui ont été réalisées à partir de collections de tresses, donc fabriquées sur les métiers anciens de la Maison des Tresses et Lacets, en partenariat avec la société Scholtaise de Fabrication. La Scholtaise, que l'on remercie vivement. Cet événement tresse alors premier du genre devrait désormais et de façon alternante se dérouler une année dans le Dorlay, une année dans le Scholtaise, c'est-à-dire en Maine-et-Loire, pour donc les années à venir. Donc un rendez-vous biennalisé sur le Dorlay. Attendu. Voilà pour cette émission spéciale et ces remerciements que l'on adresse à nouveau à la Scholtaise, que l'on adresse également au tiers-lieu, Turbine Créative, Made by Bobine, Manufacture de Tressage, Nouveaux Ateliers du Dorlay, la Maison des Tresses et Lacets, sans oublier bien sûr le Parc Naturel du Pila également, qui œuvre aussi à ce travail de valorisation, conservation, mémorisation finalement autour de ces patrimoines matériels et immatériels. Émission spéciale, donc vous retrouverez en rediffusion ce soir, émission spéciale, près d'une heure cinquante de programme spécifique à retrouver à partir de 19h ce soir, demain en matinale dès 8h. Vous retrouverez ensuite ce programme ainsi que les conférences thématiques qui avaient lieu samedi matin autour de l'histoire des métiers à tresse, autour d'un tresseur qui a aussi repris ce qu'était auparavant la Maison des Tresses et Lacets, c'est-à-dire l'usine Guy Camus, et puis la tresse dans notre quotidien, des rencontres qui ont été enregistrées par nos soins et qui seront mise en ligne très prochainement en diffusion hertzienne dans la mesure du possible pour ces autres programmes, mais en tout cas mise en podcast et en réécoute donc très prochainement sur notre site ou le site du Parc Naturel du Pila. On se retrouve demain, même heure, même lieu, des mots, des sons sensibles en hors les murs à nouveau. Nous serons néanmoins pas très loin sur les quartiers sud-est pour parler de jeunesse sur ces quartiers sud-est. Nous serons à la Métard, au studio M précisément, un nouveau lieu d'accueil jeunesse sur le quartier qui a plein de projets dont nous vous ferons part demain dans ce programme. Évoquer également un tiers-lieu précisément, un nouveau tiers-lieu en lieu et place de la MJC Beaulieu, incendié il y a maintenant quelques années, qui va voir le jour d'ici quelques années. Nous en présenterons les contours et les enjeux peut-être. Et puis nous parlerons de l'actualité aussi sur le quartier ou les quartiers, avec bon nombre d'événements à venir, dont un rendez-vous attendu. Ce sera ce samedi 10 juin, concocté par la Laverie, qui sera avec nous en plateau demain et qui se déroulera du côté du Parc de l'Europe. Nous serons donc en hors les murs et en direct demain, si tout va bien, à partir de midi. Et puis jeudi, autre programme, je vous annonce d'ores et déjà le menu. Nous parlerons des soulèvements de la terre, mais pas que. La terre soulevée, en effet, c'est véritablement le cas dans la région, du côté de la vallée de la Maurienne, avec ce fameux projet dont on entend parler depuis des années maintenant, le Lyon-Turin, qui refait l'actualité avec une grande mobilisation européenne attendue en opposition à ce projet Lyon-Turin. C'est le rendez-vous de ce jeudi que je vais vous proposer pour cette mobilisation qui, elle, est attendue le week-end du 16-17 ou 17 et 18 juin prochain. Je vous laisse en compagnie de la boîte à musique Dio. Passez une très belle après-midi, journée, soirée à l'écoute de nos programmes.